temps comme ça de plus en plus laiteux, puisqu'un voile nuageux nous arrive et sera de plus en plus dense à partir de l'ouest au fil des heures de la journée. Maxima du jour dans les normales, 18 à 22 degrés. Les premières pluies nous arrivent dès demain, surtout au sud du Sion-Sambre-et-Meuse. Elles gagneront toutes les régions à partir de dimanche. Les maxima en baisse ce week-end, mais léger, 19 à 20 degrés sur le centre du pays. Vous écoutez Viva, il est 9h. L'info continue, Sébastien Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La grande fête du football commence donc ce soir. Le coup d'envoi de l'Euro 2016 sera donné à 21h au Stade de France à Paris. 24 équipes, 51 matchs et un mois de folie pour tous les supporters. À commencer par les supporters français, déjà très chauds pour le match d'ouverture ce soir face à la Roumanie. Mais du côté des joueurs, on se montre plus prudent. On n'a rien fait, on n'a rien prouvé encore. Si on veut se comparer à d'autres équipes comme l'Espagne ou l'Allemagne, championne d'Europe en titre et championne du monde en titre. Par contre, le fait de pouvoir jouer, évoluer sur le sol français nous donne également un petit supplément par rapport aux autres équipes. Et il faut s'en servir comme une force supplémentaire. Alors oui, le fait de jouer à domicile, également sur les 10 derniers matchs où on a pu en gagner 9, nous donne une certaine confiance, mais comme je l'ai dit, tout reste à faire en commençant avec une victoire. Hugo Lloris, le gardien et le capitaine de l'équipe de France au micro d'Ebi Brouzakis. Les Bleus sont favoris. Chez eux, ils ont gagné l'Euro en 84, la Coupe du Monde en 98. Mais dans ce genre de compétition, on le sait, on n'est jamais à l'abri de rien. Tous ces matchs de l'Euro, vous pourrez les suivre en direct sur la 1 et sur la 2 en télé et sur Vivacité, évidemment, en radio, avec une émission complètement foot tous les soirs à partir de 19h. Cet Euro en France, il s'ouvre dans un climat social très tendu. Les grèves se sont multipliées ces dernières semaines et certaines ne sont toujours pas terminées aujourd'hui. Sébastien Joris, vous êtes à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Sébastien, comment cette situation est-elle ressentie sur place ? Il y a d'abord des préoccupations pratico-pratiques, puisque des grèves sont annoncées sur les deux lignes du RER qui conduisent directement au Stade de France. 80 000 spectateurs doivent rejoindre le stade ce soir pour le match d'ouverture. Arriver 3 heures à l'avance, c'est le conseil, parce qu'il va aussi falloir passer par plusieurs contrôles de sécurité avant d'arriver dans les gradins. Alors quand on discute entre supporters, on se souhaite bon match, mais aussi bon courage. Oui, parce que c'est vrai, Sébastien, que la France s'est déjà montrée sous un meilleur jour. Oui, des grèves dans les transports, RER aujourd'hui, aviation demain, mais aussi des poubelles qui s'entassent dans certains quartiers. Tout cela alors que plusieurs pays, comme les États-Unis, ont averti leurs voyageurs d'un risque terroriste. Les prévisions sont très compliquées, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des conséquences négatives sur la fréquentation durant l'Euro. Par contre, d'un autre côté, ce qui est certain, c'est qu'une compétition sans incident majeur offrirait une véritable bouffée d'oxygène pour la suite, avec même un effet démultiplicateur en cas de victoire de la France. Sébastien Joris et Ariane Dufresne en duplex depuis Paris. Pour la Belgique, patience, plus que 3 fois dormir avant le premier match des Diables Rouges lundi face à l'Italie, les Diables qui s'entraîneront une nouvelle fois aujourd'hui en fin de journée. Vous serez des milliers à suivre cet Euro au café devant un écran géant ou bien confortablement installé dans votre salon avec des amis, pourquoi pas en buvant une petite bière. Attention à ne pas abuser, la police veille, elle organise tout ce week-end une grande opération de contrôle d'alcool dans l'ensemble du pays. Belinda Dematia, porte-parole de l'agence Wallonne pour la sécurité routière. L'objectif, c'est vraiment d'annoncer ce week-end pour rappeler aux conducteurs qu'il y a des contrôles, qu'il ne faut pas prendre le volant si on a bu, qu'il faut trouver une autre solution. Et on espère qu'ils vont adapter leur comportement pendant ce week-end, mais aussi pendant tout l'été, puisque les contrôles Bob continuent pendant tout l'été. Est-ce que cette action, cette opération de contrôle, est liée directement au coup d'envoi de l'Euro ? C'est vrai que cette année, c'est une année un peu spéciale, puisqu'il y a également l'Euro 2016 de football qui est organisé. Et c'est aussi une occasion de consommer de l'alcool. On a vu par ailleurs, pendant la Coupe du Monde, que le nombre d'accidents augmentait après les matchs des Diables Rouges. Donc il est vrai que ce week-end est lancé en même temps que l'Euro et que les contrôles cet été contrôleront également certainement des supporters qui auront consommé de l'alcool. La porte-parole de l'agence Wallonne pour la sécurité routière, jointe par Hugues Van Peel. De grosses perturbations ce matin à l'aéroport de Bruxelles. Oui, une panne d'électricité a paralysé tout l'aéroport. Le courant est maintenant rétabli, mais Justine Hermans, les voyageurs font la file. Oui, on leur distribue de l'eau. Pour l'instant, ils sont nombreux à devoir attendre, comme ce passager. Ça fait plus de 2 heures que j'attends pour pouvoir faire mon check-in, donc quand même assez longtemps, oui. On vous a dit pourquoi ? On a appris qu'il y avait une panne d'électricité qui a été résolue, mais sinon, on a eu très peu d'informations au niveau des solutions trouvées pour pouvoir faire son check-in. Pendant 2 heures, de 6 heures ce matin à 8 heures, les voyageurs ne pouvaient plus enregistrer leurs bagages. Ils ne pouvaient plus non plus passer au contrôle frontière. Ces services sont maintenant opérationnels, mais les files se sont allongées. Les vols aussi ont été retardés. Il faudra sans doute un peu de temps pour que la situation revienne à la normale. La cause de la panne d'électricité n'a pas encore été communiquée pour l'instant. Justine Hermans avec Michel Vizard. Plusieurs assemblées générales organisées aujourd'hui dans les prisons. C'est le cas à Tournai, Mons et Leuze notamment. Les gardiens pourraient reprendre le travail après bientôt un mois et demi de grève. À Nivelles, les gardiens reprendront leur service en douceur lundi. Seules les tâches essentielles seront assurées. À Jamiou, ils ont fait une ultime proposition au ministre de la Justice. Ils la présenteront lundi à Kungens. La grève sur le rail, elle semble inévitable. La CGSP Cheminots décide dans une heure si elle part en grève à partir de dimanche soir. Ce sera le cas, à moins qu'un accord soit trouvé cet après-midi avec la direction. Les cheminots, s'il n'y a pas d'accord, eh bien les cheminots mettront leur menace à exécution et cette grève pourrait durer 2 semaines cette fois. À Mons, par contre, les déchets vont enfin pouvoir être ramassés puisque les éboueurs de l'intercommunal IGA ont décidé de reprendre le travail après plus d'une semaine de grève. Ce vendredi, inauguration de la plus grande écluse du monde. Et elle se trouve chez nous, à Anvers, sur la rive gauche de l'Escaut. Le roi Philippe se rendra sur place cet après-midi. Fabrice Gérard, cette inauguration, c'est l'aboutissement de 4 ans et demi de travaux et un chantier titanesque. 740 000 mètres cubes de béton armé, 20 000 tonnes d'acier, c'est une écluse colossale qui va être inaugurée ce matin au port d'Anvers. Coût des travaux, 420 millions d'euros. Marc Van Peel est le président du conseil d'administration du port d'Anvers. Maintenant, déjà, la plus grande écluse dans le monde est au port d'Anvers, mais celle-ci a la même longueur et la même largeur, mais elle est 4 mètres plus profonde. Parce que maintenant, les très grands bateaux à conteneurs vont passer sur l'Escaut. L'objectif, on l'a compris, c'est d'améliorer encore le transport commercial par voie fluviale. Or, jusqu'ici, la rive gauche de l'Escaut n'était desservie que par une seule écluse. Dans ce territoire-là, il y a 16 000 personnes qui y travaillent. Et donc, maintenant, on a un autre accès. Et c'était très important parce que les bateaux devaient attendre de temps en temps devant cette unique écluse, mais aussi maintenant on est garanti du fait que ça sera toujours opérable. Le port d'Anvers est aujourd'hui le 11e port le plus important au monde et le 2e plus important d'Europe après celui de Rotterdam aux Pays-Bas. En 2015, son trafic maritime s'élevait à plus de 200 000 tonnes. La nouvelle écluse devrait en principe encore améliorer ses résultats pour peu que la croissance économique suive le pas. Dans le monde, Barack Obama est impatient de faire campagne aux côtés d'Hillary Clinton. C'est à présent officiel, le président américain soutient son ancienne secrétaire dans la course à l'élection présidentielle. « Je suis avec elle », a-t-il déclaré la nuit dernière dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Enfin, l'adieu à Mohamed Ali aujourd'hui. Les funérailles de la légende de la boxe auront lieu dans sa ville de Louisville aux États-Unis. D'abord un cortège long d'une trentaine de kilomètres et puis l'inhumation dans l'intimité familiale. RTBF Mobile Info et un accident sur la E42, Stéphane Piebeuf. Entre Namur et Liège, à hauteur de Saint-Georges, la bande de droite est neutralisée. Monsieur, en direction de la Cité Ardente. Des travaux dans l'échangeur de Dossou. À vous rappeler, la bretelle qui relie l'E42 qui vient de Mons à l'E411 qui relie Bruxelles est fermée jusqu'à 16h aujourd'hui. Un accrochage s'est produit sur l'E411 Namur-Bruxelles aux portes de Bruxelles, à hauteur de Jésus-Zeik. Deux voies de circulation sont concernées en direction de Zaventem, donc du ring de Bruxelles tout simplement, mais cela n'a pas d'impact sur les temps de parcours à l'heure actuelle. Sur le ring, vous êtes ralenti entre Grand Bigard et Zaventem, il faut compter 17 minutes supplémentaires. Et pour la circulation extérieure, là où vous perdez le plus de temps, c'est entre Zaventem et le Carrefour Léonard, où il faut ajouter 8 minutes. Je vous rappelle qu'une manifestation est organisée à Bruxelles entre 10h30 et 13h. Il faut s'attendre donc à des perturbations sur la petite ceinture, en surface entre Botanique et la rue Béliard, ainsi que dans les rues de la Loi. Les tunnels resteront normalement accessibles à la circulation, mais certaines sorties de certains tunnels pourront être temporairement fermées. Comptez sur nous pour vous tenir au courant de ces éventuels embouteillages. Un véhicule est par ailleurs en panne à Bruxelles dans le tunnel Trône. La bande de droite est neutralisée vers le midi et la circulation est toujours particulièrement difficile entre les ronds-points Mézières et Montgomery dans les deux sens de direction. Faites le plein d'instants gourmands. il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle fin de semaine sur Vivacité, sur la Une en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Sébastien Pierret, bon week-end. À vous aussi. Je vous remercie. Et maintenant, l'actualité de ce pays. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Créfel. Sur Créfel.be, ouvert 24h sur 24, livré le lendemain. Créfel. Les meilleurs prix, service compris. Tous les matins en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. À trois jours d'un match contre l'Italie, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, l'euro démarre, attentat, sécurité, organisation, quel est l'enjeu pour la France? L'euro démarre et avant même de parler de foot, il faut donc parler de ce match dans le match qu'est la sécurité. La France, après avoir longtemps hésité, a décidé de maintenir ses 10 fan zones dans le pays. 90 personnes ont été mobilisées pour veiller à la sécurité à coup d'exercices grandeur nature. Les stades forteresses, les fan zones surveillées, les écrans en dehors des cafés interdits. La France n'a pas le droit à l'erreur et certains prédisent déjà la catastrophe pour François Hollande. En cas de couac, pas d'unité nationale et une fin évidente de la candidature des JO français de 2024. Sur le terrain non plus, sur le terrain sportif, la France ouvre le tournoi contre la Roumanie ce soir et il n'y aura pas de droit à l'erreur. Didier Deschamps est persuadé qu'aux yeux du grand public, un euro réussi passe par un euro où la France est championne d'Europe. Alors c'est la question pour vous ce matin. L'euro démarre, attentat, sécurité, organisation, quel est l'enjeu pour la France? Après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Eh ben rebelote, même question que la semaine dernière pour Bruxelles. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Après Bruxelles, qui a donc interdit les voitures, c'est le fameux plan climat qui, dès 2018, interdit les diesels d'avant 97 et puis qui interdira assez vite les diesels d'avant 2006. Eh bien, c'est la Wallonie qui passe à l'attaque. On apprend que le ministre de l'Environnement travaille à des mesures qui permettront aux villes d'interdire les diesels. Charleroi et Liège sont visés. À Liège, la pression est très forte puisque la semaine dernière, un conseiller communal, Vega, avait déjà demandé l'interdiction des diesels en ville, mais sans effet. Ce qui est particulier en Wallonie, c'est qu'elle n'est pas forcée de le faire, au contraire de Bruxelles qui était forcée par l'Europe. Ici, la Wallonie veut y aller de manière volontaire, on attend le détail. Mais la question est la suivante. Après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi maintenant qui interdit les voitures diesel. Rebelote, même question que la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Et puis au 070-233-466, on se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Ça sent très mauvais. La CGSP Cheminot, qui a donc déposé un préavis de grève en bonne et due forme après le coup de la grève surprise, est, paraît-il, dépitée. La réunion d'hier sur la productivité avec la direction du rail n'a rien donné. La direction voudrait en substance récupérer 2,33 jours par personne. Les syndicats ont concédé seulement un jour, c'est-à-dire la fête du roi du 15 novembre, qui ne sera plus récupérée. Et donc, hier dans la réunion, il n'y a pas eu d'accord et l'idée de la grève revient donc sur la table. Tout à l'heure, vers 14h, direction et syndicats se revoient pour une négociation de la dernière chance, mais tout ça avec en tête une deuxième période critique puisqu'un autre préavis de grève a déjà été déposé du 19 au 25 juin. La question pour vous, on se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Zoé Boss, le standard est ouvert. À l'autre bout du combiné, Marion Jomotte décroche vos appels au 070-233-466 et lit vos SMS au 3063-57. Par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. L'ouverture de l'euro, Liège et Charleroi parlent d'interdire les voitures diesel et rebelote. Les cheminots vont faire grève. Le débat, c'est vous qui le faites. Pour vous accompagner ce matin, Martial Dumont, journaliste politique à l'avenir, et Gaspard Grosjean, journaliste politique à Sud Presse, sont installés dans le studio. Gaspard et Martial, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, c'est donc l'euro qui démarre. Bien sûr, on reparlera des Diables Rouges et de foot lundi, notamment à l'occasion du match contre l'Italie. On l'imagine, ce sera la une de l'actu. Mais d'abord la France, l'enjeu pour la France. Est-ce qu'on peut acter ce matin, Gaspard, qu'il y a sur la tête de la France une pression énorme. Oui, oui, incontestablement, à la fois sportivement, hein, pour l'équipe qui devra répondre présent, mais un peu plus sérieusement, évidemment, la pression est énorme, plus personne n'ignore le contexte auquel nous faisons face, les menaces potentielles, c'est un grand événement. Il n'y a pas eu de consensus, même ces derniers jours, organiser les fan zones ou ne pas les organiser, la France n'a jamais trouvé de consensus là-dessus. Mais est-ce qu'il faut vraiment essayer d'avoir ce débat-là? Je veux dire, à un moment donné, les autorités sont aussi là pour décider, pour agir. Là, on est dans le moment présent, dans l'action, dans la décision politique et pas dans le calcul politique. C'est très différent. Et je pense que là, la priorité doit être mise sur les mesures à prendre, les mettre en place de manière effective et pas spécialement, à un moment donné, rechercher et perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, l'appui de tous les partis politiques français. Vous me commentez la passe d'armes alors, Martial. Bernard Cazeneuve, le ministre, a dit en France, je fais des fan zones. Ce serait encore pire s'il n'y en avait pas parce que les supporters seraient ça et là. Ici, au moins, on les canalise. Et la droite, notamment, a dit, vous verrez, s'il se passe quelque chose, vous porterez une responsabilité très lourde. François Hollande a chaud sa tête. Qu'ils fassent ceux qui veulent, de toute façon, s'il y a un souci, on va leur retomber dessus. Alors, s'ils ne font pas de fan zone, on leur dira, mais vous voyez, si vous aviez canalisé les supporters, ça ne serait pas arrivé. S'ils en font, on leur dit, s'il arrive quelque chose, vous avez mis 80 000 personnes au même endroit, c'est de votre faute. Donc, de toute façon, s'il se passe quelque chose, il y aura un souci. Personnellement, je pense que les fan zones ne sont pas une mauvaise chose parce que ce sera probablement l'endroit où les gens seront le plus en sécurité. Sur la pression que les Français se mettent à tort ou à raison, est-ce que cette pression est trop grande, trop forte? Est-ce qu'elle prend le pas sur le côté amusement de l'euro? Je ne pense pas, quand on entend les journalistes qui sont sur place, ils disent on sent qu'il y a de la surveillance, il y a de la sécurité, mais visiblement, ni les supporters ni les journalistes qui sont sur place ont l'impression d'être dans un pays surfliqué, si je puis dire, et apparemment l'ambiance est quand même relativement bonne. Espérons que ça dure, et je pense que les Français ont pris les mesures de sécurité qu'il fallait. S'il n'était pas sûr et s'il y avait vraiment de gros risques, je pense qu'ils auraient pris d'autres dispositions. On est dans un contexte particulier, c'est sans doute une des premières fois, Gaspard, qu'on se dirige vers un euro avec un tel contexte sécuritaire. Les Belges ont ça en tête, les Français ont ça en tête. Ça peut avoir une influence sur notre capacité à lâcher prise pendant cet euro? C'est très difficile à dire. On a déjà eu l'occasion, d'ailleurs, sur ce plateau, de débattre de ce genre de choses. Est-ce qu'on doit annuler ses activités, avoir peur, prendre des précautions et tout ça? Moi, j'étais toujours partisan, au même titre que Martial, d'ailleurs, de dire vivons comme on l'entend et comme on entendait le faire à la base. Et je maintiens évidemment ce credo et je pense que ce sera le cas de 90% des gens. Tous les supporters qui vont là-bas, les fan zones, les écrans géants qui s'organisent et tout, je pense que c'est quand même l'esprit festif. Et l'aspect sécuritaire, il sera là, ça c'est indéniable, mais il ne prendra pas le pas, j'ose espérer, sur l'aspect festif et sportif. Dans une seconde, je vous parle du sport et de l'équipe de France, car là aussi il y a pression. D'abord, on va se connecter au 070-233-466. Zoé, l'euro démarre, attentat, sécurité, organisation, quel est l'enjeu pour la France à ce propos? À ce propos, j'ai eu Cédric Delance qui ne peut malheureusement pas s'exprimer à l'antenne puisqu'il est au volant. Il y a une pression énorme sur le dos de la France, me dit-il, bien plus qu'un simple événement sportif. Les Français ont le poids de l'Europe sur leur dos et s'il y a un attentat lors de l'euro, l'impact sur le moral des Européens va être terrible. En plus, la masse de personnes qui va tout simplement suivre les matchs est énorme. On parle de 8 millions de Français et de 2 millions d'étrangers, donc 2 millions d'Européens qui vont être là. S'il y a un attentat lors de ces matchs, ça serait terrible, nous dit Cédric. Ah ben, vous viendrez nous le dire de vive voix tout à l'heure. Alors, en vous arrêtant, si vous êtes en train de conduire, je termine autour de la table avec Gaspard et Martial. Un mot quand même sur le sport. Est-ce qu'il a raison, Didier Deschamps, Martial, quand il dit aux yeux du grand public un euro réussi pour les Français, ça passe par un euro gagné des Français en finale qui remportent cette compétition? Comme on l'entendait ce matin, en 84, c'était organisé en France, les Français ont gagné. En 98, Coupe du Monde en France, les Français ont gagné. Donc fatalement, tous les Français s'attendent à ce que la France gagne cette année. Ils ont une très bonne équipe, ils sont l'un des favoris sur le papier, mais je ne suis pas persuadé du tout qu'ils gagneront cet euro. Ah, Didier Deschamps a dit les statistiques, on les ressort quand ça nous arrange. Vous les voyez remporter cet euro, Gaspard? Ils font partie des 3-4 favoris et le fait qu'ils jouent à domicile, évidemment, aidera. Est-ce qu'ils vont le gagner? Quelque part, moi, j'espère que non, évidemment. J'ai d'autres références. Elle va où, votre préférence, alors? Évidemment, à la Belgique, quand même. Vous les voyez en finale, les Belges? Ça va être délicat aussi. Je les vois bien en demi. Après, à partir de là, tout est possible. Ils ont un parcours qui est quand même pas évident. Ils vont de toute façon se taper ou l'Allemagne probablement ou l'Angleterre en quart. C'est pas piqué des verres quand même. Un mot rapide sur l'injustice du tirage au sort. La France, elle joue la Roumanie, l'Albanie, la Suisse, là où nous on a l'Irlande et l'Italie notamment. Il y a une injustice terrible. Bah ça c'est le principe du tirage au sort. Je veux dire, il y a toujours des groupes de la mort et des groupes plus faciles. La France a eu la chance, on va dire que c'est juste de la chance, d'être dans un groupe relativement facile, mais il faut toujours se méfier, parce que la Suisse, ce sont quand même pas des manchots. Mais bon, sachant qu'il y en a deux, voire trois qui passent. Oui, c'est ça. Il y a une injustice ou pas, Gaspard ? On n'y peut rien, c'est le tirage au sort. Mais il y a une injustice. C'est un tirage au sort, et je ne fais pas partie de ceux qui crieront au grand complot, mais inévitablement, si la France va loin, vous entendrez l'argument qui va ressortir. Ben oui, mais évidemment, quand on a vu leur groupe... Mais ce serait d'autant plus marrant si elle avait de gros problèmes au premier tour avec les équipes qu'ils ont dans leur pool. On verra. Vous pouvez parler de sécurité ou de sport, c'est selon l'Euro démarre. Quel est l'enjeu pour la France ? Et vous apportez la réponse qui vous semble la plus adéquate dans quelques instants. Dans une seconde, deuxième débat sur la table après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel ? Ensuite, on se dirige vers une nouvelle grève des trains. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Et 10h45, question qui dérange. Agile L'Esbel fin et froid a été cambriolé 17 fois en 2 ans. 17 fois. Ils ne peuvent pas sécuriser le bâtiment ? Se méfier un peu ? Question qui dérange. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. De télé, c'est plus d'ambiance. Uniquement demain chez Mediamart, c'est la folle affaire. Offrez-vous une Smart TV LG 49 pouces Ultra HD pour 522 € seulement, soit une économie de 277 €. Rendez-vous vite en magasin ou sur Mediamart.be, car après-demain, c'est trop tard. Mediamart, je ne suis pas fou. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce vendredi, France-Roumanie, le match d'ouverture au Stade de France. Dès 19h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, en direct de Lens, vivez un euro, bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com, l'office du tourisme de Lens et destination touristique autour du Louvre-Lens. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, c'est Paris qui s'offre à vous. Pour ses 70 ans, les Voyages Léonard vous invitent à l'un de ses week-ends d'anniversaire à la découverte de Versailles et de la Ville Lumière. Au programme, les châteaux de Malmaison et Versailles, une visite inédite de Paris et le dîner-spectacle anniversaire au célèbre cabaret Le Paradis Latin. Vous connaissez déjà Paris et Versailles ? Dites-le nous tout de suite sur notre page Facebook. La Grande Évasion, avec Philippe Geniaud et Émilie de Kegel. Vivacité à Esneux, en toute complicité, sur 90.5 FM. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. On commente l'actu avec Martial Dumont, l'avenir, avec Gaspard Grosjean, Sud Presse. Et voici le deuxième débat sur la table. Après Bruxelles, on en a parlé la semaine dernière avec le plan climat. Après Bruxelles qui interdit les voitures diesel, eh bien c'est au tour de Liège et Charleroi, puisque la région wallonne est en train de réfléchir à un cadre. On n'a pas encore les mesures d'interdiction, on ne sait pas encore quelle voiture sera concernée. Mais plus de diesel à Liège et à Charleroi, alors rebelote, même question que la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel ? Ça commence à devenir un tantinet inquiétant ou pas, Gaspard ? Bruxelles, je ne pourrais plus aller en diesel. Liège et Charleroi, pareil, est-ce que ça devient compliqué ? Non, ce n'est pas spécialement inquiétant, puisque ce sont d'abord les diesels avant 97, puis dans une seconde partie... On n'a pas encore la règle. Avant 2006. Donc voilà, Bruxelles, le débat a déjà été fait. Après, pour Liège et Charleroi, franchement, on n'en est vraiment pas là. Hein. Le ministre Di Antonio réfléchit, c'est une annonce qui a été faite, non contraignante, qui donne la possibilité aux villes. Donc, chaque ville pourra encore décider, donc on en est vraiment loin. Il y a quand même une tentation, parce que la Wallonie veut se profiler en bon élève, qui le fait de manière spontanée. Est-ce qu'il y a un besoin de supprimer le diesel et la pollution que ça engendre dans des villes comme Liège et Charleroi, Martial ? Mais c'est une question de politique générale. À partir du moment où Bruxelles le fait, il y a une certaine logique à ce que la Wallonie réfléchisse à ça, et fatalement Liège et Charleroi étant les deux plus grandes villes de Wallonie. Et Bruxelles, il y avait une urgence européenne et puis une urgence qu'on pouvait bien sentir en étant dans la ville. Oui, mais on n'est pas obligé toujours d'attendre l'Europe et la pression de la Commission pour faire des choses intelligentes, si je puis dire. À partir du moment où Bruxelles le fait, c'est logique que la Wallonie y réfléchissent aussi, et la Flandre ferait bien d'y réfléchir aussi, partant du principe, comme on l'a déjà dit sur ce plateau également, que la pollution, bah, ça ne s'arrête pas aux frontières des régions. Et donc, si on le fait à Bruxelles, pourquoi ne pas le faire au sud et au nord, pour essayer, je veux dire, d'amplifier le mouvement de purification de l'air, si je puis dire. Et puis ça pacifie les villes aussi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, Liège, franchement, c'est embouteillé à mort. Vous qui travaillez à la Meuse, la perception de terrain, vous sentez un problème d'air dans Liège ? On sent qu'il... Gaspard. Un problème d'air. Oui, mais c'est pas à cause du diesel. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, c'est allé au fourneau, mais ils sont éteints. Non, mais plus sérieusement, il n'y a pas à proprement parler un problème de pollution excessive à Liège, mais il y a un problème de. Il y a trop de voitures. Clairement, il y a trop de voitures. Et s'il y a trop de voitures, il y a beaucoup de voitures trop polluantes aussi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et je pense qu'en prenant certaines mesures comme ça, un peu réfléchies, eh bien, effectivement, ça pourra à la fois, évidemment, réduire la pollution, réduire le nombre de véhicules, pacifier la ville. Donc, ce n'est pas incohérent du tout. À côté de ça, évidemment, ça doit s'accompagner de solutions de mobilité adéquates. Ouais. On doit pouvoir proposer aux personnes des transports en commun efficaces. Le fameux tram. Mais bon, fameux tram que vous avez au-delà de ça, encore. Voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment où je dois me positionner par rapport à ma diesel, l'éliminer, la revendre, penser tout doucement? Est-ce qu'on est au moment aujourd'hui, Marcel, où on doit se positionner par rapport à sa voiture et réfléchir à ce qu'on va en faire? Ben, en tout c'est cas, trop tôt encore. En tout cas, en Wallonie, effectivement, visiblement, l'idée est dans le pipe, mais elle n'est pas encore complètement mûre, donc je ne pense pas que ça se fera demain. Les gens qui ont une voiture diesel relativement âgée vont devoir peut-être tout doucement effectivement penser à changer de voiture. Ce sera peut-être la bonne occasion, noter, parce que bon, c'est vrai que de toute façon, une voiture qui a 15 ou 20 ans, bah, souvent c'est des voitures sur lesquelles on doit faire des gros travaux, etc. Donc il y a peut-être des gens qui vont se dire, bah, tiens, c'est l'occasion pour moi de changer et d'acheter une voiture peut-être plus propre. On y est déjà, c'est le moment, on est le 10 juin, Gaspard, c'est le moment déjà de se débarrasser de la diesel ou c'est encore trop tôt? Mais de se débarrasser des vieux diesels, oui. Après, moi j'ai toujours été beaucoup plus nuancé parce que je pense qu'avec les techniques d'aujourd'hui, le vieux cliché du diesel ultra polluant, ouais, et de l'essence très propre, ça n'a plus raison d'être, ça n'est plus comme ça. Absolument, mais ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est qu'en plus, ces vieux diesels-là, et c'était notamment le cas sur Bruxelles, il y en a combien des voitures comme ça? C'est pas à ça qu'il faudrait s'attaquer fondamentalement. Par exemple, si on s'attaquait à tous ces gens qui sont dans les voitures de société et qui viennent seuls en voiture à Bruxelles, on en sortirait peut-être mieux. Mais les vieux diesels comme ça, ça représente une quantité... Ça reste assez marginal. Oui, tout à fait. Ça reste assez marginal. Demandons un avis à Andenne. Eddy en ligne, bonjour. Et bonjour. Après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Rebelote, même question que la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait de sa voiture diesel, Eddy? On ne pourrait pas le faire parce qu'on dit toujours pour tout ce qui est problème de diesel sur les voitures ou essence anciennes. Et alors quand on voit toutes les usines, ça pollue plus que les voitures. Eddy, je vous ramène à ce qui est sur la table. Il y a une tentation d'interdire les vieux diesels dans Liège et Charleroi. Vous êtes preneur, demandeur ou ça ne vous convient pas? Pas loin de Liège, parce que moi c'est la région Andenne. Puis quand je continue, j'arrive pas, oui, puis sur Liège. Loin. Donc... On n'ira pas plus loin, malheureusement, Eddy, parce qu'on a du mal à vous entendre. La communication est trop mauvaise. Mes excuses déjà. Si vous souhaitez commenter ça, si vous êtes liégeois et carolo, entrez dans la conversation 070-233-466 avec un téléphone audible, bien évidemment. Je termine alors rapidement autour de la table. Gaspard Martial, est-ce que vous demandez maintenant, Gaspard, à la région Wallonne, si la tentation est sur base volontaire d'interdire les diesels, de sortir des primes à l'achat pour d'autres modèles de voitures? Non. Non, moi je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours tout subsidier. On peut aider, mais je pense que je serais bien plus intéressé dans une politique à long terme et une politique généralisée d'investir dans des transports en commun efficaces. Ça, c'est un vrai moyen, une vraie solution d'avoir une politique globale de mobilité adéquate à l'automobile. Là, on va, si on donne des primes à l'achat de voitures, on ne règle rien du tout. C'est un one shot à très très court terme qui n'est pas de la politique dont je me fais l'image. Il faut de la prime, Martial, la région Wallonne doit sortir le portefeuille ? Non, je ne crois pas, mais il existe déjà des dispositions actuelles en termes de malus, par exemple, sur la taxe de circulation. Donc les voitures les plus polluantes payent plus que les autres, donc c'est déjà un outil dont on peut se servir, et je suis d'accord avec Gaspard, le fait de donner des primes pour acheter des voitures, ça veut dire mettre plus de voitures sur les routes, et donc ça veut dire ne pas privilégier les transports alternatifs, ce qu'on devrait faire. Vous avez un moteur diesel, vous êtes dans le secteur de l'automobile, après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel, et bien rebelote, même question que la semaine dernière, qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel ? Dans un instant, troisième débat sur la table, on se dirige vers une nouvelle grève des trains, est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Et puis 10h45, la question qui dérange, la SBL Fin et Froid à Gilly a été cambriolée 17 fois en 2 ans, dont la dernière fois dans la nuit de dimanche à lundi, 17 fois en 2 ans. Il n'y a pas moyen de sécuriser un peu le bâtiment, pas moyen de se méfier un peu. 17 fois en 2 ans, c'est la question qui dérange. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Mitsubishi. Attention, attention, offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 euros seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On s'assied à table et on prend le bocal de cornichons. On met les doigts sur le couvercle. On serre bien fort, on tourne à gauche. Il faut qu'il lâche. Bien, maintenant les petits oignons. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Moi, j'aime toujours les légumes à la vapeur. Oh, rien de mieux que cuire ces légumes à la vapeur. Ça en préserve tous les bienfaits. Tu sais, ça, petit ? Ah oui, je le sais, monsieur Marc. Surtout que des bienfaits, il y en a plein dans nos bonnes courgettes. Alors, un bon conseil, ne les ratez pas. Elles sont en promo. Oui. D'ailleurs, mettez la vapeur. Allez, hop. Tchou tchou. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses courgettes sont à seulement 1,59€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Votre enfant découvre la lecture ? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud-Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud-Presse. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commande l'actualité avec vous, avec Gaspard Grosjean, Sud-Presse La Meuse et Martial Dumont L'Avenir. Voici donc le troisième débat sur la table autour de cette grève des cheminots. Donc, après le coup de la grève surprise, ils ont déposé un préavis de grève, la réunion d'hier n'a pas fonctionné, et alors qu'on pensait que la grève allait sauter, eh bien elle est à nouveau une vraie menace. Les cheminots pourraient à nouveau se mettre en grève à partir de dimanche et jusqu'à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Gaspard, est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir, en sachant d'où on vient, évidemment ? Ah non, je ne supplierai certainement pas les cheminots. Je ne les supplierai pas. Et on peut encore vivre vivre une semaine de grève. Certains ont dû renoncer au travail, certains ont dû renoncer à leurs activités. Oh, on peut toujours vivre maintenant, avec quelle perturbation. Ici, c'est clair, en tout cas, sur le constat, purement le constat, les faits, il y aura eu tout le moment session, enfin blocus, session défense de mémoire des étudiants qui aurait été perturbé de A à Z. Complètement pour les trains, en partie pour les bus. Donc, puisque c'est à eux que vous y référence spécifiquement, ils ont une session assez galère. Ah bah alors j'affine la question, est-ce que les étudiants et les nafteurs martiaux peuvent encore absorber moralement, mentalement, économiquement un jour, deux jours, trois jours de grève? On ne peut plus absorber. Je vois qu'ils sont plus à ça près. Ah. Non. Donc vous les suppliez pas de ne pas faire grève? Non, je ne les supplie pas, je ne les encourage pas non plus, mais enfin. D'une part, ici, c'est une grève qui est avec un préavis, donc on pourra plus parler d'effet surprise. D'autre part, mais qui suit 9 jours, c'est un préavis qui suit 9 jours de grève surprise ou émotionnelle. Mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné où les choses doivent s'apaiser, on constate encore une fois que fait la SNCB, comme le fait le gouvernement au niveau des prisons. On en rajoute des couches. Elle ne recule pas. Alors, c'est même pas une question de reculer. C'est une question, je veux dire, une négociation, c'est un compromis. On ne peut pas avoir quelqu'un qui gagne tout et quelqu'un qui perd tout. Ici, il me semble qu'il y avait eu des avancées. Le syndicat avait lâché un peu de mou. Et de nouveau, hier, la SNCB revient avec un texte en demandant plus et en allant plus loin encore. Je veux dire, c'est remettre de l'huile sur le feu et il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les syndicats repartent dans un mouvement. Bon, je vous fais la même question alors, Gaspard, mais j'ajoute une couche. Est-ce que vous êtes prêt à absorber une grève qui démarre dimanche, qui va jusqu'à samedi, plus potentiellement une grève du 19 au 25 non, juin? Non, ça ne changera rien dans l'esprit des gens. Le côté, cette fois-ci, elle n'est pas sauvage, il y a eu le préavis. Honnêtement, le chef de tous les nafteurs, des dizaines de milliers de nafteurs, ça ne changera absolument rien sur les faits. Et là où j'ai un vrai problème, c'est que des grèves à la SNCB, on oublie de... Enfin, les cheminots oublient de se faire des alliés avec les nafteurs. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne leur laisse pas la possibilité. Oui, Écolo a proposé hier de dire, OK, faites qu'on puisse faire des billets gratuits pour faire grève. Et Belot a baqué ça en disant non, ça on ne peut pas faire. La créativité, oui, elle doit être sur la forme de la grève ou sur les mesures de productivité. Des initiatives aussi, c'est ça que je veux dire. À un moment donné, il ne faut pas se mélanger quand c'est pour défendre à un moment donné les services publics et à un moment donné pour défendre à proprement parler les avantages, et je mets bien des guillemets, des cheminots, je veux dire, il y a un flou total dans la communication à ce niveau-là, et les gens ne savent juste plus pourquoi, et c'est dans ce sens-là, Benjamin, que non, je pense qu'on est, et je dis « on », je ne parle pas personnellement, puisque je ne suis pas le premier concerné, mais les gens, de manière générale, sont de moins en moins prêts à absorber ce type de grève. Eh ben voyons ça à tourner, alors Marianne, bonjour. Marianne, bienvenue, on a perdu Marianne qui est dans le Tournaisis. On se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Alors terminons la conversation. Vous ne suppliez pas. Vous êtes prêt à vivre ça, Gaspard? Oui, je suis prêt à le vivre. Voilà, non, je souhaiterais évidemment que la concertation aboutisse. On n'a jamais été aussi proche, comme disait Martial, d'un accord. C'était hier, encore en courant de la journée, monsieur Abissi disait encore effectivement qu'a priori, ils étaient proches, mais qu'on maintenait le préavis quand même. Donc ça, c'est un peu, c'est vrai, d'un côté négocié avec le revolver sur la tempe. Donc c'est que des solutions sont possibles. De grâce, puissiez-vous aller au bout? Timidement, il est temps. Vous ne demandez pas une abstention de grève, timidement, si vous ne suppliez pas, Martial? Non, je ne demande pas. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent leurs responsabilités. Moi, ce que je demande, c'est peut-être à nouveau que la SNCB et le gouvernement n'en rajoutent pas des couches. Alors, il faut faire des réformes, il faut augmenter la productivité, oui. Mais il y a un moment donné, si on tend trop l'élastique, il casse. Martial Dumont, Gaspard Grosjean, bonne journée messieurs. Bonne journée. Merci, bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. À vous de commenter maintenant. L'euro démarre, attentats, sécurité, organisation et sport. Quel est l'enjeu pour la France? Après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Eh bien, rebelote, même question que la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Et puis, on se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? 070 233 466 par SMS au 3063. La conversation à Marcinelle. Pascal, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous souhaitez commenter l'euro qui démarre. En matière de sécurité, est-ce que la pression est trop forte sur la France, sur les épaules de la France? De ce que je peux vivre depuis 15 jours, non. Parce que depuis le 1er juin, je me rends, je suis rendu plusieurs fois là-bas pour préparer mon job de volontaire. Il y a un inconvénient. Attendez, parce que je vous découvre, Pascal. Vous allez faire quoi alors à l'euro? Vous êtes volontaire? Dans quel poste? Oui, Mon job est un travail de un volontariat au niveau des médias, services et d'opérations pour les médias. Vous allez travailler où et pendant combien de temps? Au stade Pierre-Mauroy de Lille, jusqu'au 2 juillet. Ok, donc vous êtes engagé dans le dispositif. On a vu des répétitions très impressionnantes de forces d'élite qui intervenaient dans des fan zones qui servaient de zones d'entraînement. On les voyait arriver armés, évacuer des gens. Il y a une application attentat qui est sortie. C'est inquiétant ou pas? Oui, c'est toujours inquiétant quand on parle d'attentats, mais bon, votre question, c'est l'enjeu pour la France. En fait, c'est l'enjeu pour tout le monde. Lorsqu'un drame tel que celui du 13 novembre ou plus récemment chez nous du 22 mars, la réaction est toujours la même. Il faut continuer à vivre de la même façon. Donc ici, il y a un événement majeur au niveau du monde du football qui est prévu depuis de nombreuses années. Ils vous ont formé, vous avez dans votre formation, vous avez eu un chapitre sécurité ou pas? Non. Non. Alors un mot sur le sport maintenant. Quel est l'enjeu pour la France? Didier Deschamps est persuadé que si la France ne gagne pas l'euro, ce sera un euro raté pour les Français. Ouais, d'un point de vue sportif, c'est toujours facile à dire. L'équipe de France a l'avantage d'être chez elle. Ses grandes victoires, elle les a obtenues chez elle. Sauf l'Euro 2000 où elle est venue le gagner. Fatalement, un pays organisateur qui ne gagne pas ou qui ne réussit pas la grande compétition qu'elle organise, il y a une notion d'échec. Maintenant, il faut savoir que l'euro, les pays organisateurs connaissent tous une certaine malédiction parce qu'il y en a beaucoup moins qui n'ont gagné qu'au niveau de la Coupe du Monde. Ah ben là, il n'y a pas de malédiction sur le tirage au sort. Hein. France, Roumanie, Albanie, Suisse, c'est un tirage au sort qui semble plus accessible que notre Irlande et Italie qui sont dans notre groupe de la mort. Pascal Amarcinelle, engagé à l'euro, donc bon amusement et bon travail. Son bref maintenant nous appelle. Philippe, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce que, puisqu'on se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi, est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Mais écoutez, d'une part, soit je supplie qu'ils s'abstiennent de façon effectivement à permettre à nos jeunes de poursuivre les examens, soit je leur demande de le faire autrement, et donc j'aurais tendance à suggérer la possibilité aux gens de continuer à prendre le train. Et, pourquoi vous avez besoin du train? Vous avez des enfants en examen qui doivent prendre le train la semaine prochaine? Oui, j'ai trois enfants qui sont en examen. Ils ont besoin de quelle ligne de train? Écoutez, ça dépend. Jean Blou Namur ou Jean Blou Wavre, donc c'est un petit peu de tous les côtés. Si on n'a pas de Jean Blou Namur et de Jean Blou Wavre, qu'est-ce qui se passe pour vos enfants? Comment ils iront à l'examen? Bon, allez, à Namur, c'est un problème, parce que là, on ne peut pas se dupliquer, en fait. Bon, nous sommes deux, mais moi, je travaille depuis 7h du matin jusqu'à 9h du soir, donc j'ai vraiment pas du tout la possibilité de conduire mes enfants, donc mon épouse seule ne peut pas commencer à les piloter. Ou ça impactera qui alors? Est-ce que vos enfants seront impactés par une grève des trains ou c'est juste vous, papa, maman? Tout le monde, je vais même dire tout le monde. Pourquoi? Parce que inévitablement, vous vous rendez bien compte qu'on a payé un abonnement et qu'on a des coûts supplémentaires. Alors moi, je suggère une chose, c'est qu'ils instaurent plutôt la gratuité complète. Là, ça va coûter complètement à l'État, parce que pour le moment, ça ne coûte rien à l'État, au contraire. Ah ben, ils n'y seront pas. Là, tout ce qui est sur la table, c'est une grève à partir de dimanche, et il y a encore une négociation de la dernière chance à 14h. Donc, résumons-nous, dites-moi oui ou non. Vous les suppliez? Je les supplie de changer leur système.

Moi, j'ai eu le ministre Di Antonio qui réfléchisse autrement. Les voitures diesel, si on ne peut plus rouler à Liège, il ne faut plus les vendre à partir d'aujourd'hui. Et quand les gens n'auront plus de voitures diesel, à ce moment-là, elles vont disparaître petit à petit. On interdit la vente, on ne prend pas une TVA sur un véhicule qui ne peut plus rouler. On fait c'est le constat de terrain. Vous qui connaissez Liège, vous sentez un problème de qualité d'air à Liège ? Non. Non. Donc pour vous, a priori, il n'y a pas d'urgence climatique ? Non, il n'y a pas d'urgence climatique. Pour les nouvelles voitures diesel ne polluent pas plus qu'avant, hein, maintenant. Hein. C'est un véhicule de quelle année que vous avez ? Elle a 6 ans. Donc c'est 2010 ? C'est bien ça, oui. Donc on sait qu'à Bruxelles, où les mesures sont connues, les diesels d'avant 97 vont être très vite interdits dès 2018. On sait qu'ensuite, on ira très vite vers l'interdiction des diesels d'avant 2006. Il y a comme un étau qui se resserre. Vous, propriétaire de diesel, ça vous inspire quoi ? Cet étau qui se resserre autour des diesels ? Ça m'inspire que c'est malhonnête de la part de nos représentants, parce qu'on a interdit le véhicule, et à ce moment-là, on n'aura plus de bord de voitures diesel, on n'aura plus de voitures essence. Mais on ne laisse pas vendre des véhicules qu'on va interdire dans quelques années. C'est déjà le moment de se poser la question de comment je me débarrasse du véhicule, ou c'est encore trop tôt ? Alors, il faut peut-être demander à l'Euromine est-ce qu'il rembourse la TVA ? Parce que les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont faire quoi ? Ils vont faire quoi ? Donc c'est le moment de se demander ce que je fais de ma diesel. Oui, maintenant il faut se poser la réelle question, maintenant oui. Ok, alors c'est le moment, parce que tout à l'heure, Martial et Gaspard ont dit non, on a encore un peu le temps d'y réfléchir. La question aux Carolos, aux Liégeois et aux Bruxellois, est-ce que vous commencez à vous poser des questions sur votre diesel ? 070-233-466, après Liège, nous allons à Marche. Daniel, bonjour. Bonjour. C'est Marche en Famène ? Vous souhaitez aller plus loin sur cette nouvelle grève des trains de dimanche à samedi, c'est vers ça qu'on se dirige. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Non, du tout. Je leur demande simplement de changer leur manière d'agir. Je crois que s'ils avaient un peu plus d'intelligence, ils auraient un peu plus le peuple avec eux. Et en mettant gratuitement le chemin de fer du vendredi au lundi, de manière à donner la possibilité peut-être à des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un voyage sur la côte belge ou éventuellement dans les Ardennes. Donc ça, c'est une demande d'autre forme, sauf que on n'en est pas là. Ce week-end, qu'est-ce qui est dit ? Préavis de grève de dimanche à samedi, pas de train. Ça, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui se fera si on décide la grève tout à l'heure. Donc dans ce contexte-là, est-ce que vous les suppliez de ne pas faire grève ? Je vais les supplier dans le sens où ils mettent en danger l'emploi d'énormément de personnes. Ils mettent en danger aussi la réussite des examens des étudiants, même s'il y a un préavis et qu'on peut dire oui, mais les gens n'ont qu'à s'arranger. On vient d'avoir l'auditeur précédent qui disait lui, il savait pas comment faire. Voilà, il y a des gens qui n'auront pas les moyens de se déplacer, d'aller à leur emploi, d'aller à leur examen. Et je trouve que c'est très malheureux d'agir et de prendre les gens toujours en otage. Donc, je crois moralement, qu'il y a des manières plus intelligentes. Après, je vous parle de l'économique, mais moralement, mentalement, est-ce que le Belge peut encore gérer une semaine sans train ? Difficilement. Économiquement, est-ce que notre pays peut encore gérer une semaine sans train ? Économiquement peut-être, mais en continuant comme ça, c'est clair que déjà l'économie en Belgique n'est pas rose. Je crois qu'on ne va pas dans le bon sens. Moralement, on n'y arrive pas, me dites-vous, Daniel, vous êtes à Marche en Famène, chacun nous dira le besoin de train qu'il a pour lui ou pour les autres si cette conversation s'impose et vous êtes à Marche en Famène ce matin. Dans un instant, à Charleroi, c'est Maria qui viendra nous dire quel est l'enjeu pour les Français, l'euro à la maison dans un climat très difficile sur le plan social, sur le plan de la sécurité et sur le plan sportif. Que faut-il attendre de la France ? Maria commente après la pause. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Comment bien manger ? Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze. Bien acheter, bien manger. Ce samedi chez Brico, tout sera à moins 20% pendant les deux premières heures d'ouverture. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. les 9, 10 et 11 juin, Kitchen Market vous attend pour 3 jours de fête et de folie sur les prix. Avec 15% de réduction sur tout le magasin. Cuisine équipée, électroménager, ustensiles Alice Délices et buanderie. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez 3 jours pour en profiter. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et pour vos soirées d'été, il y a 40 barbecues d'une valeur de 1000 euros à gagner. Hé, hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh mince alors, comment t'as fait? Quelques kilos à perdre? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors. Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Ne manquez pas le match d'ouverture de l'UEFA Euro 2016. France-Roumanie, c'est à suivre en direct et en exclu ce vendredi sur la Une, en radio sur Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, c'est Paris qui s'offre à vous. Pour ses 70 ans, les Voyages Léonard vous invitent à l'un de ses week-ends d'anniversaire à la découverte de Versailles et de la Ville Lumière. Au programme, les châteaux de Malmaison et Versailles, une visite inédite de Paris et le dîner-spectacle anniversaire au célèbre cabaret Le Paradis Latin. Vous connaissez déjà Paris et Versailles, dites-le nous tout de suite sur notre page Facebook. La Grande Évasion, avec Philippe Geniot et Émilie de Kegel. Et aux 0,70-233-466, après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Eh ben, rebelote, même question que la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Zoé, à ce propos. On a un souci de connexion, on va récupérer le standard avec ce deuxième débat qui est sur la et table. Oui, Zoé, vous êtes là, voilà. Benjamin, parfait. Un petit problème de micro ici au standard. Donc, j'ai eu Giacomo de Charleroi, justement. Il avait justement une voiture diesel qu'il vient d'échanger pour une voiture essence. C'est un pur hasard de calendrier. Il ne comprend pas pourquoi enlever les voitures des citoyens alors que tous les bus tech roulent diesel. Comment va faire la commune? Va-t-elle changer tous les bus? Va-t-elle trouver les moyens? En tout cas, si elle supprime les voitures et qu'elle laisse les bus en fonction. Les bus diesel, c'est une ineptie et c'est encore une fois le petit qui va payer alors que la commune ne fait pas d'efforts. Charleroi, en ligne Maria, bonjour. Bonjour, Benjamin. L'Euro démarre aujourd'hui, attentat, sécurité, organisation, sport. Quel est le message que vous envoyez aux Français ce matin? Quel est le message et le commentaire que vous voulez leur adresser? Eh bien, je leur adresse de demander de l'aide aux autres pays participant à l'euro 2016. De l'aide pourquoi? Vous sentez les Français menacés? Qui participent à l'euro. Vous sentez les Français menacés? Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous sentez les Français menacés? Pas que les Français, tous les pays participants. Donc c'était un euro à risque? Ben, je pense que oui, quand même. Quelle est la menace pour vous? Quelle est la menace réelle sur l'euro? Ben, elle est d'une grande ampleur, quoi. Les fan zones. Les Français, ils se sont bagarrés là-dessus. Ils se bagarraient encore jusqu'à hier. Les fan zones, les 10 fan zones où vont se rassembler les supporters. On devait les maintenir ou on devait les annuler? Ben, les maintenir. On doit quand même faire face à tous ces terroristes. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas annuler. On doit continuer à vivre, quoi. Mais bon, je pense quand même que les autres pays qui participent à l'euro devraient soutenir la France. Ah ben nous, les Belges, on a envoyé 11 policiers qui vont en partie encadrer nos supporters, en partie encadrer nos diables et être dans les aéroports. Maria, est-ce qu'il y a de l'enthousiasme autour de cet euro français ou on n'est pas dans l'enthousiasme? Ben, c'est un peu mitigé, quoi. Il y a de l'enthousiasme pour ceux qui ne pensent qu'au sport, je vais dire, et d'autres qui pensent peut-être à la crainte d'attentats terroristes. Enthousiasme pas évident, donc, et vous êtes à Charleroi. À Rouen maintenant. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Eh ben, rebelote, même question. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Ben oui, exactement. En plus, bon, moi je roule avec une petite Smart qui fait 800 cm3 diesel et je consomme 3 litres au 100. Et je ne comprends pas pourquoi moi, quand ma voiture aura 10 ans, je ne pourrai plus rouler en ville, alors que les gros 4x4 qui sont quand même beaucoup plus pollueurs, eux pourront continuer à rouler. Ah mais le diesel, bon, il pollue la particule fine, il nuit à l'air de nos villes. Oui, mais bon, un petit 800 diesel pollue quand même beaucoup moins que les gros 2 litres 5 et 3 litres diesel. Maintenant, il faut savoir quand même une chose, c'est qu'au niveau de la technologie, vous savez qu'un poids lourd qui fait 15 litres de cylindrée, 460 chevaux, pollue moins qu'une voiture diesel. Alors Jean-Marie, vous allez vous débarrasser de votre Smart ou pas? Ah non, je n'ai pas l'intention de me débarrasser de ma Smart, je n'irai plus en ville s'il faut. Ah c'est ça la réponse, alors qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Je la garde mais je ne vais plus en ville. Ah, ça peut être un choix. Jean-Marie, si la conversation s'impose, on verra si vous serez le seul à boycotter les centres de Bruxelles, Liège et Charleroi. Quelle conversation? Rendez-vous après les infos. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Le Spa Eurorace. Les 11 et 12 juin au circuit de Spa-Francorchamps. L'unique représentation du bel car à Francorchamps. Des courses internationales. Porsche, Ferrari, BMW et Aston Martin. 9 courses au programme. Un spectacle intense et gratuit. Infos et invitations sur racspa.be avec l'avenir et vivacité. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce vendredi, France-Roumanie, le match d'ouverture au Stade de France. Dès 19h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, en direct de Lens, vivez un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com, l'office du tourisme de Lens et destination touristique autour du Louvre-Lens. Votre enfant découvre la lecture? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud-Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud-Presse. C'est moi, Hip. Le Diable Rouge joue contre l'Italie. Mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50€, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Et c'est Justine Hermans qui nous informe. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est parti pour un mois de football. Le coup d'envoi de l'Euro, c'est ce soir à 21h. Des milliers de supporters affluent pour le tout premier match de la compétition. France-Roumanie au Stade de France. Les Diables Rouges, eux, montent sur le terrain pour la première fois lundi à Lyon. Ils affrontent l'Italie. Plus de panique à avoir si vous prenez l'avion aujourd'hui à l'aéroport de Zaventem. L'électricité est revenue. Une panne a eu lieu ce matin de 6h à 8h environ. Les voyageurs ne pouvaient plus enregistrer leurs bagages. Ils ne pouvaient plus non plus passer au contrôle frontière. Les systèmes sont rétablis maintenant, mais des files se sont formées. Elles se résorbent peu à peu. Des vols aussi ont été retardés. Les perturbations sur le rail dès dimanche semblent inévitables. La CGSP Cheminot se réunit en ce moment même pour décider si oui ou non elle part en grève à partir de dimanche 22h. À moins d'un accord cet après-midi avec la direction, les cheminots mettront leur menace à exécution. Cette grève pourrait durer 2 semaines. La grogne dans certaines prisons, par contre, s'apaiserait-elle? En tout cas, à Dinan, le travail reprendra mercredi. Les agents pénitentiaires arrêteront la grève mardi en fin de journée. C'est ce qu'ils ont décidé hier lors d'une assemblée générale. Même situation à la prison de Nivelles. Là-bas, les gardiens reprendront le travail lundi, mais seules les tâches essentielles seront assurées. Plusieurs assemblées générales doivent encore avoir lieu aujourd'hui, comme à Tournai, Mons et Leuze. Une grève qui se termine, c'est celle chez IGA, la société en charge du ramassage des poubelles à Mons et dans la région du centre. La société l'a confirmé. Cela fait plusieurs jours maintenant que les poubelles s'entassaient dans les rues. Dernier hommage à la légende de la boxe Mohamed Ali. Ses funérailles ont lieu aujourd'hui aux États-Unis, à Louisville. C'est la ville qu'il a vu grandir. Des milliers de fans sont attendus. Il y aura une longue procession d'une trentaine de kilomètres. Le cercueil passera devant les sites emblématiques de l'histoire du boxeur, comme sa maison d'enfance ou encore le musée qui lui est dédié. La météo, à présent, il fera sec aujourd'hui et le soleil va briller. Les températures entre 18 et 22 degrés. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedboeuf, il y a des travaux sur l'échangeur de Dossous. Et la bretelle qui relie l'E42 qui vient de Mons à l'E411 qui relie Bruxelles est fermée jusqu'à 16h. Une manifestation est organisée à Bruxelles ce vendredi à partir de 10h30 jusqu'à 13h. Il faut donc s'attendre à des perturbations de circulation sur la petite ceinture en surface entre Botanique et la rue Bélière ainsi que dans la rue de la Loi. Les tunnels resteront en principe accessibles à la circulation mais certaines sorties pourraient être temporairement fermées. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Et à Bruxelles justement, il y a encore des ralentissements du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le midi, du tunnel Reyers vers Montgomery, ainsi que jusqu'à Georges-Henri finalement, vers Montgomery-Lacambre, où la circulation s'effectue au compte-gouttes. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est la deuxième partie de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Merci Justine, la rédac revient tout à l'heure à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. À Gilly, l'ASBL Faim et Froid, qui aide notamment en distribuant des colis alimentaires, eh bien l'ASBL Faim et Froid de Gilly a été cambriolée 17 fois en 2 ans. 17 fois. D'où la question qui intrigue ou qui dérange, c'est selon. 17 fois, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser ou de se méfier un peu? D'autant qu'on a entendu dans le journal de 7h ce matin de Viva que les responsables étaient persuadés que les voleurs connaissent l'institution. Alors à force, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser un peu? Dans ce dossier, Sophie Buzinaro, vous cherchez le bon interlocuteur. Et à ce stade, avez-vous une piste? Oui, nous allons tenter de joindre la police de la région de Charleroi afin d'avoir plus d'informations concernant ces nombreux vols qui ont eu lieu à Gilly. Oui, parce qu'il paraît que la police à chaque fois est arrivée trop tard, que le vol était signalé à coup même parfois d'alarme, mais la police n'arrivait pas. Vous avez un avis sur un lieu d'aide volé 17 fois. Vous connaissez les techniques d'intervention de la police et vous savez pourquoi des gens vont voler dans une ASBL qui aide les autres. Laissez votre commentaire à Zoé au standard. Et ce commentaire de Nicole de Jurbise, elle trouve ça pitoyable de voler une ASBL qui vient en aide aux personnes en difficulté. Seules des personnes égoïstes et sans cœur sont capables d'un tel acte. L'ASBL s'appelle Faim et Froid, Benjamin. On parle ici de nourriture et de couverture. Qui peut faire ça? C'est presque comme voler un SDF, selon Nicole. Oui, dans cette ASBL, on distribue des colis alimentaires, on assure une aide sociale urgente ou encore on s'occupe des médiations de dettes. C'est la question qui dérange. L'ASBL Faim et Froid de Gilly a été cambriolée 17 fois en 2 ans. 17 fois en 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sécuriser et de se méfier un peu? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. L'euro démarre, attentat, sécurité, organisation, sport. Quel est l'enjeu pour la France? Après Bruxelles, c'est Liège et Charleroi qui pourraient interdire les voitures diesel. Eh ben rebelote, même question que la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais de ma voiture diesel? Et puis on se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? 3 débats, Zoé au 070-233-466. Mais vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette nouvelle grève des cheminots. On se dirige vers une semaine sans train. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Eh bien, Justine, vous le rappelez dans le flash, il y a quelques secondes encore, ça sent très mauvais. La CGSP cheminots, qui a donc déposé un préavis de grève en bonne et due forme après le coup de la grève surprise, est dépitée. La réunion d'hier sur la productivité avec la direction du rail n'a rien donné. Il y a une ultime négociation tout à l'heure à 14h. C'est l'ultime espoir d'échapper à la grève, mais personne n'y croit. On se dirige effectivement vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a déjà une deuxième période critique qui est annoncée. Un préavis de grève est annoncé du 19 au 25 juin. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Vous rendez bien compte qu'on a payé un abonnement et qu'on a des coûts supplémentaires. Alors moi, je suggère une chose, c'est qu'ils instaurent plutôt la gratuité complète. Là, ça va coûter complètement à l'État, parce que pour le moment, ça ne coûte rien à l'État, au contraire. Ah, mais ils n'y seront pas. Là, tout ce qui est sur la table, c'est une grève à partir de dimanche. Et il y a encore une négociation de la dernière chance à 14h. Donc, résumons-nous, dites-moi oui ou non. Vous les suppliez? Mais écoutez, d'une part, soit je supplie qu'ils s'abstiennent de façon effectivement à permettre à nos jeunes de poursuivre les examens, soit je leur demande de le faire autrement, c'est qu'ils instaurent plutôt la gratuité complète. bref tout à l'heure qui se demandait comment il fallait supplier ou pas les cheminots. C'est Philippe à son bref qui se demandait tout à l'heure comment il fallait ou pas supplier les cheminots. Alors la question pour vous, vous qui êtes consommateur de train, qui en avez peut-être besoin la semaine prochaine, vous qui avez souffert des 9 jours de grève dite émotionnelle, la question, est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Nous poserons la question 070-233-466 par SMS au 3063 à Eric de Bénezet dans quelques secondes. C'est vous qui le dites. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. À l'euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le Côte du Rhône rosé Dieu merci en 3 plus 3 gratis, soit 2,85€ la bouteille. Intermarché, tous unis pour gagner. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Les matous exigeants, les toutous gourmands, tout le monde est content. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. L'Opéra Royal de Wallonie présente La Bohème. Laissez-vous emporter par le célèbre chef-d'œuvre de Giacomo Puccini pour une soirée entre rire et larmes. Du 17 au 26 juin. Info opéraliège.be. Avec Vivacité La Troie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Maintenant, chez Dovi Awan, lave-vaisselle gratuite et 50% de réduction sur la tag à induction. Plus d'infos sur dovi.be. Nous créons votre cuisine. Garage Dave et Fils, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Dave et Fils à Ouanzui, E40 sortie 8. Visitez garagedave.be et sur Facebook. Portes ouvertes, c'est 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Vous avez donc souhaité une conversation sur ce moment charnière. Il reste quelques heures aux cheminots pour se décider. Nouvelle rencontre avec la direction de la SNCB tout à l'heure à 14h. Et s'il n'y a pas d'accord, mais vu la tonalité de la réunion hier, on se dit qu'il n'y aura pas d'accord sur cette fameuse productivité demandée aux hommes du chemin de fer, eh bien on se dirige vers une nouvelle grève des trains de dimanche à samedi. Un premier préavis de grève donc, et puis un deuxième qui est déjà annoncé pour la période du 19 au 25 juin. Est-ce que moralement, vous êtes prêt à subir encore des jours de grève des trains? Est-ce que économiquement vous êtes prêt encore à subir une grève des trains? Est-ce qu'au niveau des déplacements vous êtes prêt encore à gérer, si pas subir, une grève des trains? Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? 070-233-466, Bénezet en ligne. Eric, bonjour. Bonjour Benjamin. Avant de nous dire si vous les suppliez, dites-nous comment la grève d'avant vous a impacté. Ah ben, ça m'a engendré plus de 300 euros de frais quand je suis arrivé à Lille, que je ne savais pas rentrer en Belgique. Vous êtes resté calé combien de temps? Ben, on est resté calé une nuit, donc j'ai dû prendre une chambre d'hôtel. Et le lendemain, j'ai dû prendre l'Eurostar, qui initialement, c'était prévu dans mon billet, dans mon premier billet jusqu'à Bruxelles. 300 euros, c'est le coût total de cette grève pour vous? Oui, 90 euros la chambre d'hôtel, 60 euros l'Eurostar, et quand je suis arrivé à Bruxelles midi avec l'Eurostar, après 4 heures qu'on a fait les poros, on a dû opter pour Uber. Ça m'a coûté 157 euros. pour retourner à Bénezet. Alors maintenant que vous avez ce tarif-là dans la tête, est-ce que ce matin, vous suppliez les cheminots de s'abstenir, grève annoncée de dimanche à samedi? De dimanche à samedi, je m'en fous, mais le 22, je repars à Lyon. Donc là... Le 22 juin, vous refaites quoi comme trajet alors? Bénezet, Bruxelles en train? Je refais Liège-Guillemets, Bruxelles-Midi. Bruxelles-Midi, TGV français jusqu'à Lyon. Alors j'adapte la question, Eric, mais vous la comprenez. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir du 19 au 25 juin? Non, pas du tout. Au risque de ne pas avoir votre trajet vers Lyon? Moi, ouais, mais le jour où je croise un cheminot, c'est lui qui me suppliera d'arrêter de le cogner. Ah bah alors vous êtes en colère? Ah oui, carrément. Eh ben alors, là, il y a ras-le-bol, il y a tout le monde qui fait une rêve, il y a le pays qui est en train d'imploser, c'est plus possible, quoi. Vous savez qu'il y a une méthode plus douce que aller castagner du cheminot, hein? Vous pouvez simplement le supplier ce matin de s'abstenir de faire grève. Non, c'est pas à moi de supplier. C'est au gouvernement à prendre ses responsabilités et à faire le nécessaire. En France, il y a grève de la SNCF, il y a quand même des trains. Tout est dans l'importance et dans le mot choisi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Vous m'avez dit non, mais pas enthousiaste à l'idée de perdre ce voyage vers Lyon le 22 juin, Eric. C'est noté dans l'agenda, c'est vous qui le dites ce matin. Nous sommes entre Grammont et Enghien maintenant. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Ah oui, oui. Pourquoi? Dans le sens où je prends le train, ma fille aussi, et on est fatigué, on doit prendre des autres solutions, voilà, on doit faire appel à la famille, on doit prendre sa voiture, on ne sait plus quoi. Que ce soit très concret, à partir de dimanche, si la grève démarre, vous avez besoin du train quand et pour faire quoi? Pour me rendre à mon travail, je suis enseignante, il y a les examens, et je serai là pour les élèves, et donc je partirai bien à l'avance pour être à mon lieu de travail. Et ma fille sera à ses examens via appel de la famille, en voiture, voilà. Donc vous devez rejoindre quelle ville, et votre fille quelle ville? Elle doit rejoindre Grammont, et moi je dois rejoindre la commune d'Ixelles, à Bruxelles. Bon, ben, s'il n'y a pas de train, parce que là on se dirige vers, et si vous suppliez mais que ça n'est pas entendu, il y aura grève, donc s'il n'y a pas de train, comment vous ferez? Eh bien je ferai une heure de bus, une heure de métro, prendre le tram et je serai à mon école. Moi, ce que je leur propose, c'est qu'il ne faut pas oublier que pendant un an, tous les abonnements, quand on prend le train, on se rend compte que plein de gens, les abonnements sont déjà payés par les entreprises ou par nous-mêmes. Mais alors moi, je leur propose d'arrêter maintenant et de faire la grève pendant les grandes vacances. Et là, quand il y aura des touristes qui prendront le train, eh bien, ils n'auront rien. Et là, ce seront des tickets qu'ils n'arriveront pas à vendre le jour même. Mais si c'est facile, les abonnements sont payés, ils vont vous donner une compensation, mais qui n'englobe pas tout, alors qu'ils reprennent ça pendant les grandes vacances. Et là, peut-être que la SNCB même bougera. Il y a deux questions. Nerveusement, est-ce que vous êtes prête encore à absorber une semaine de grève, nerveusement? Oui, on devra, parce que j'ai un travail, et voilà, je pense que c'est dur pour tout le monde. Et économiquement, vous pouvez encore vivre une semaine de grève ou pas? Oui, parce que je vais prendre, heureusement que les bus de laine roulent et que le métro roule. Moi, c'est aussi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la fin de la semaine passée, habitant à la frontière, eh bien, nous prenions certains, tous les gens de ma région, on prenait le train à Bruxelles Centrale, on arrivait à Denderleu, et là, les trains roulaient et à l'heure. Ça aussi, il faut me l'expliquer. Oh, mais malgré alors, ça, nerveusement, vous pouvez encore le gérer, vous. Parce qu'avant ça, Erika Bénezet, il ne gérait plus. Il voulait aller castagner du cheminot. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Aller castagner des cheminots, ce n'est pas le sens de l'ouvrage dans ce pays. Mais donc, nerveusement, vous gérez. Économiquement, vous gérez. C'est juste qu'il y a une série de questions qui se posent. Sophie Buzinaro, l'éclairage, vous venez à nous avec un complément d'information. Donc, on a deux préavis sur la table. Il y a celui qui est censé démarrer dimanche et puis celui du 19 au 25 juin, qu'on comprenne bien à quoi correspondent ces préavis. Oui, alors je viens de joindre Kim Buchenhout par téléphone, donc c'est les relations presse de HRI. Alors dimanche, il y a une grève qui débute, elle devrait se prolonger jusqu'à dimanche prochain, donc durant une semaine entière. Ce sont les cheminots, donc la CGSP des cheminots, les syndicats qui ont déposé ce préavis. Alors pour quelles raisons? De nouveau pour les jours de crédit qui seraient réduits de 13 à 11 ou 12 jours. Également d'autres mesures, les mesures de de productivité. Alors elles doivent encore, ces mesures, entrer en négociation cet après-midi à 14h. Il y a une réunion entre les syndicats CSC Transcom et CGSP et évidemment la direction des chemins de fer. Ils vont tout faire pour éviter cette grève car selon Kim Buggenhout, c'est impossible de poursuivre de telles grèves parmi les cheminots. Ensuite, la deuxième grève, c'est du 19 au 25. Selon elle, ce n'est qu'un prolongement demandé également par la CGSP uniquement et pas en front commun. Alors, deux préavis de grève qu'il faut absolument éviter cet après-midi. Bon, ça veut dire qu'il y a une volonté à Cher Rail, c'est la structure qui chapeaute, hein, donc qui chapeaute le personnel. Ça voudrait dire apparemment qu'il y a une volonté d'ouverture, ce qui n'était pas le cas au bout de la réunion d'hier. C'est ce qu'on lit dans la presse ce matin. Hier, la rencontre à nouveau entre syndicats et direction n'a pas été marquée par la grande ouverture d'Asher Rail qui restait sur ses positions. Bref, nous voici à Waterloo. Adil, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Certainement pas Benjamin, et en plus de cela, en fait, ces gens-là, ils veulent la guerre, dans ce cas-là, en fait, il ne faut plus discuter avec eux. Moi, je dis, d'ailleurs, c'est un discours que j'ai toujours tenu, il faut absolument leur couper l'herbe sous le pied. Comment ? Et je vais en fait vous argumenter ça. Ce sont les travailleurs, si vous coupez l'herbe sous le pied, si vous fermez la porte aux travailleurs, il n'y a plus de négociation. Ce sont des gens, Benjamin, qui sont payés grâce aux impôts des citoyens. Pire encore, pire, ces gens-là, en fait, ils sont en train de faire grève, pourquoi ? Rappelez-le-moi, pour un jour de congé, ils ont déjà 41 jours de congé, 28 plus 13, ça fait 41 jours. Ils bloquent qui ? Ils bloquent des gens qui n'ont pas 41 jours de congé. Ils ont fait un effort, Adil. Donc, outre les jours de récupération, la direction de la SNCB voudrait récupérer 2,33 jours de congé par personne. Et les syndicats en ont concédé un. Ils acceptent de renoncer à la fête du roi du 15 novembre. C'est pas un effort ? Benjamin, si ça tient qu'à moi, en fait, ce n'est pas un jour qu'il faut leur enlever, mais il faut absolument qu'ils s'alignent sur toutes les autres fonctions, d'autant plus que, moi, je suis sûr et certain que pour notre économie, nous avons plus besoin, par exemple, d'ouvriers dans les usines qu'un accompagnateur de train qui ne sert strictement à rien. Je rappelle qu'il y a des trains en Europe. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la SNCB a acheté, avec nos impôts naturellement, des trains Desiro où les portes se ferment toutes seules. Nous n'avons pas besoin d'accompagnateurs de train. Vous seriez un patron de HR Rail ou un patron SNCB dur ? Vous claquez la porte au syndicat ? Non, pire que ça, Benjamin, la direction d'Acharé ne doit même pas exister. Ce sont des gens qui déclarent 100 000 euros de frais de restaurant par an. Moi, je dis qu'il faut absolument aller chercher un grand patron en Suisse, en Allemagne. Il faut dire les choses comme elles sont. HRA est une société qui ne sert strictement à rien. D'ici lundi, elle sera toujours là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si vous ne suppliez pas les cheminots, donc vous êtes prêts à encore accepter et vivre une semaine de grève de train ? Je vais vous dire, de toute façon, ce sont des gens qui ont déjà plongé l'économie belge dans un marasme. Pas possible. J'entends. Donc vous êtes prêts à assumer encore une semaine de grève ? Non, certainement pas. En fait, moi, ce que je propose, ce que j'ai toujours proposé, c'est d'abord et avant tout, et c'est ce que la Commission européenne a déjà proposé, et ce que aussi OpenVLD propose, c'est d'abord et avant tout passer par la libéralisation des chemins de fer, des transports de personnes en Belgique. Ah ben, si c'est ce que vous souhaitez, on y arrivera. C'est bien pour ça que les autorités veulent préparer la productivité des cheminots. En attendant, la conversation sur l'espace qui est là et sur ce qui est devant nous. HR Rail, c'est pas supprimé d'ici lundi. HR Rail, c'est toujours en poste dimanche, quand la grève démarrera, car on se dirige vers... Adil, vous suppliez pas. Est-ce qu'à Serein, dans un instant, Daniel suppliera les cheminots ? On verra. Ce 11 juin, c'est le beau samedi de Robert. Rendez-vous à l'IPES de Warem et choisissez votre randonnée à vélo 83 123 km ou la balade familiale de 20 km. Dès 11h, animation gratuite pour enfants et ados. Et pour tous, la grande fête, le barbecue dès 18h. Ce 11 juin à l'IPES Warem, entrée rue de Huy. Infos et inscriptions au 019 32 22 60. Marque à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournables pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marqueasuivre.be. Marque à suivre. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Tu sens bon, c'est quoi ? De Rohan. De Rohan ? Eh oui. Celui qui nous livre nos fournitures de bureau ? Eh oui. En juin, commandez vos fournitures de bureau chez De Rohan et recevez des bons cadeaux ici Paris XL. Et vous pouvez même les cumuler. De Rohan, grâce à l'œil, fourniture de bureau est 100% liégeois. Infos et conditions sur derohan.be. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce vendredi, France-Roumanie, le match d'ouverture au Stade de France. Dès 19h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot en direct de Lens, vivez un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com, l'office du tourisme de Lens et destination touristique autour du Louvre-Lens. Avec Peugeot Shins, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Venez découvrir le tout nouveau SUV 2008 lors des portes ouvertes ces 11 et 12 juin. Et seconde bonne nouvelle, profitez de ce week-end pour essayer votre modèle préféré. Toute la gamme Peugeot sera disponible pour un essai. Peugeot près de chez vous, c'est Shins bien sûr. Toutes nos adresses sur PeugeotShins.be. PeugeotShins.be. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certain. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Et au 070-233-466, eh bien voyons comment les nafteurs se situent par rapport aux cheminots. Zoé, à part Nathalie entre Grammont et Enghien, qui suppliait les cheminots de ne pas faire grève, personne n'a l'air de supplier. Et chez vous? Oui, bah, il est vrai que beaucoup gardent leur orgueil. Benjamin Fernand, petit mystère, me l'a dit, il ne pliera jamais genou devant les syndicalistes, devant les cheminots. Mais certains supplient tout de même les cheminots. Gina de Philippeville, elle n'en peut plus de ces grèves et elle supplie les cheminots d'arrêter tout simplement leur action. Gina est handicapée. Son compagnon travaille à Bruxelles à cause des cheminots. Elle passe des semaines sans le voir. Et c'est pas seulement un problème sentimental. Hein. Gina se trouve sans aide au quotidien. Difficile pour elle de vivre sans l'aide de son conjoint. Madeleine de Bièvre, elle vient en aide à ses enfants en gardant ses petits-enfants, deux jumelles d'un an. Sans elle, les parents sont obligés d'engager une babysitter au quotidien. Une semaine de babysitting entière, c'est une somme considérable. On parle de 350 à 400 euros par semaine. Alors oui, Madeleine en vient à supplier les cheminots arrêtés. Parce que sinon, ses enfants vont tout simplement se retrouver avec de grosses pertes financières. Serein, Daniel, bonjour. Bonjour, Benjamin. Moralement, est-ce que la Wallonie est prête à encore digérer ou subir une semaine de grève de train si elle se déclenche? Est-ce que vous pensez que les Wallons sont prêts? Oh, écoutez... Le problème, c'est que les Wallons, ils sont noyautés depuis toujours par le Parti Socialiste et que là, on est nettement dans une partie de bras de fer avec le gouvernement, avec le seul but de le faire tomber. Donc ça ne me dit pas si la population, elle est prête à suivre ce mouvement d'arrêt des trains pendant une semaine encore. Ça veut dire oui. Ah, écoutez, la population, elle le subit, c'est tout. Maintenant, moi, ce qui m'a fait bondir, c'est le mot supplier que vous avez employé. Alors, supplier, est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Jamais. Je n'ai jamais supplié personne et je ne vais surtout pas supplier des gens pareils. C'est quoi des gens pareils? Ça veut dire quoi? Ah, écoutez, ce sont des gens qui sont d'abord manipulés. Et puis, si vous faites bien attention, c'est quand même bizarre que dans ce pays, ce sont toujours les gens qui sont les plus nantis, et je vais dire planqués, entre guillemets, qui sont les premiers à descendre dans la rue. Attendez, c'est des simples travailleurs, hein, c'est des travailleurs cheminots de la CGSP, d'autres à la CC Transcom disent « nous on s'arrête pas », ce sont des travailleurs. Oui, ce sont des travailleurs, mais qui ne se battent pas parce qu'ils ont des conditions de travail abominables. Elles ne sont pas pires maintenant qu'elles ne l'étaient avant. Ce qu'ils veulent, c'est sauver des acquis. Des acquis qui font une différence par rapport au commun des mortels. Moi, je n'ai jamais eu droit à récupérer des jours que je n'avais pas prestés. Votre commentaire, Daniel, il y a double préavis. Il y a celui qui démarre dimanche et puis on a déjà un autre du 19 au 25 juin. Voilà des gens prévoyants, non ? Écoutez, c'est tout simplement scandaleux. Moi, je trouve que... Qu'est-ce qui est scandaleux? Les deux préavis ou le deuxième? Mais tous les préavis et même les grèves sans préavis, c'est tout à fait scandaleux. Ah oui, mais ici, la première grève sans préavis, c'est parce que la première était surprise. Donc, comme on a vu que ça provoquait quelques éléments de contestation et qu'on a beaucoup parlé de sanctions aux cheminots qui avaient déclenché la grève surprise, on a stoppé le mouvement émotionnel aux surprises et les syndicats ont déposé un préavis et puis un deuxième déjà du 19 au 25. Une chose à la fois, la grève se déclenche potentiellement dimanche et elle se prolonge jusqu'à samedi. 070-233-466, Daniel, vous ne supplierez jamais. Mons, Philippe, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous prenez le train parfois ? Non, c'est rare quand je prends le train, c'est pour aller faire du shopping avec mon épouse au mois de décembre. Eh ben alors, et pensez à tous les nafteurs qui vont au boulot. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir au nom des nafteurs ? Non, du contraire, que maintenant tout le monde se mette avec eux. Quand ils n'ont pas mis de préavis, on rouspète. Maintenant qu'ils ont mis un préavis, on rouspète. C'est les gens s'arranger. Dans les années 30, les gens se sont arrangés pour faire grève. Tous les acquis qu'on a eus, c'est grâce à eux. Et maintenant, on veut tout nous reprendre. Le gouvernement, comment c'est un gouvernement dictatorial. Ah ben alors vous encouragez. Alors vous suppliez, vous les suppliez de faire grève. Ah oui, bien sûr. Ah vous les suppliez de faire grève. Ben oui, c'est tout à fait normal. Le gouvernement, il ne veut pas changer. C'est continué, on va demander à Galland de revenir, à Jacqueline Galland de revenir. Vous savez qu'à cause de ça, Éric Abénezet, si le deuxième préavis est activé, il ne va pas à Lyon le 22 juin. Mais alors, il va aller où ? Pourquoi le 22 juin ? Pour aller voir le football. Il a déjà perdu 300 euros dans la grève surprise d'avant. Justement, c'est comme je vous dis. Quand on ne prévient pas, quand il y a un préavis, on rouspète. Quand on ne met pas de préavis, on rouspète. Alors, en Belgique, on rouspète tout le temps. Et qu'on arrête de dire que la VTB est avec le PS. La VTB, il y a déjà longtemps qu'elle a changé de parti politique. Attendez, je reste sur les trains, Philippe, puisque vous les suppliez de faire grève et de déclencher la grève dimanche. Oui. Donc vous pensez que la Belgique est prête à absorber, à vivre, à digérer à nouveau 9 jours sans train ? Ben oui, tout le monde a deux ou trois voitures maintenant chez eux. Ils ont tout le temps d'aller. C'est vrai qu'il faut faire des sacrifices, il faut se lever un peu plus tôt. Et moi, je me lève à 6h au matin, tous les jours à 5h au matin, mais je fais des sacrifices pendant 37 ans. Qu'est-ce qui se passe pour ceux et celles qui doivent aller travailler ? Nathalie, elle, sa fille doit aller faire des examens à l'école. Maintenant, ils ont le temps de s'organiser, puisqu'il a eu un préavis de grève, il sait bien qu'il va avoir grève. Il faut s'organiser. Et ça, maintenant, on l'a toujours trop à belle. Et pour que maintenant, on doit s'organiser un petit peu, qu'on va se lever un peu plus tôt, qu'on va être un petit peu plus fatigué, et on respecte encore. Donc, c'est un quasi-merci. Enfin, c'est à vous de l'interpréter, évidemment, mais est-ce que c'est un quasi-merci aux cheminots d'avoir donné leur préavis ? Philippe Mons, vous suppliez pour la grève. Scarbeck, Jacqueline, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous les suppliez de faire grève ? Ah non, absolument pas, absolument pas. Alors, est-ce que vous les suppliez de s'abstenir ? Non, je ne veux pas, je ne supplie pas qu'ils, je ne sais pas supplier quelqu'un. Je voudrais qu'ils fassent autre chose et qu'ils n'embêtent pas les gens à trouver des solutions qui sont parfois impossibles. Bon, moi, je suis pensionnée, je suis pas étudiante, je ne dois pas travailler. Et c'est quoi autre chose ? Parce que le préavis de grève pour dimanche, c'est pas une autre forme. C'est sur pas de train, non, point. Non, c'est pas faire de grève, je ne sais pas, moi. Mais ils mettent tout le monde dans l'embarras, tout le monde. Moi, je dois aller garder mes petits-enfants à Arlon la semaine prochaine. Mes enfants n'ont pas de solution. Et moi, j'en ai pas non plus, parce que je n'ai pas de voiture. Il n'y a que le train avec lequel je peux aller. Donc, s'il n'y a pas de train, il n'y a pas de petits-enfants. Pardon ? S'il n'y a pas de train, il n'y a pas de petits-enfants. Ah ben non, mais non. Je mets 4 heures pour aller jusque-là, j'ai 2h45 de train, j'ai pas de voiture, j'ai pas quelqu'un qui peut aller me conduire. Je vous dis ce qu'on m'a dit. Travaille. Je vous dis ce qu'on m'a dit, on peut pas râler tout le temps. Là, ils ont prévenu, il y a un préavis, ils ont prévenu. Mais qu'ils préviennent ou pas, non, il y a des gens qui savent se débrouiller autrement, comme disait la personne précédente, mais il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer. Je dis, moi, c'est pas si important que les étudiants et les personnes qui travaillent, mais ça me met quand même fort, fort dans l'embarras. Ah ben, ce sera la conclusion de la conversation. Pas de train, pas de petits-enfants, mais vous les suppliez pas. Ni d'arrêter, ni de faire grève. Vous suppliez pas, point. 10h32, c'est l'heure de la proportion. Zoé dans les Appelantes ce matin. Combien estiment que les Wallons ne se relèveront pas après ce dernier coup de massue. Et 73% pensent que les Wallons ne se remettront pas de ce dernier coup de massue. Après les inondations, les attentats, les différentes grèves, si les Wallons ne peuvent plus aller travailler pendant une semaine, qu'ils doivent passer des nuits à l'hôtel à leurs frais ou être encore une fois éloignés de leur famille, c'est le coup de massue de trop. Les Wallons sont moralement épuisés et ils ne s'en remettront pas. Allons vers le RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Et en ce moment, une manifestation est organisée à Bruxelles jusqu'à 13h. Il faut s'attendre à des perturbations de circulation, notamment sur la petite ceinture. Reste à l'écoute, l'équipe RTBF Mobile Info vous informera sur les éventuelles conséquences sur les routes de la capitale. À Bruxelles, justement, persistent quelques ralentissements du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le Midi, du tunnel Reyers au tunnel Georges-Henri vers Montgomery-Lacambre. Prudence si vous êtes concerné par ces embouteillages. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. La SBL fin et froid de Gilly a été cambriolée 17 fois en 2 ans. 17 fois. Il n'y a pas moyen de sécuriser, de se méfier un peu? À qui parlera-t-on? J'attends un nom après ceci. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On va dans le potager et on plie les genoux, on fait un trou, on plante un chou et on se relève. Et un et deux et trois petits trous, on relâche bien les genoux et on y retourne. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah ben, on voit encore Brian au fast-food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Observation numéro 3. Papa, il va sauver la planète. Pour la fête des pères, je t'offre un cadeau durable. Une valise. Quel rapport avec le développement durable? Papa, il faut déménager dans une maison thermo-efficace. Comme ça, on fera des économies d'énergie et j'aurai mon nouveau vélo. Dis, c'était pas ma fête à la base, là? Découvrez nos nouveaux appartements dans l'éco-quartier de Visé les week-ends des 4 et 5 et des 11 et 12 juin. Info sur groupehorizon.be. Horizon Group. Investir les lignes du futur. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car à Wem. Vivacité et La Troie présente l'exposition En plein air à la Beauvry à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauvry.com. La Beauvry, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. La SBL fin et froid à Gilly, donc une SBL qui vient en aide à ceux qui sont en difficulté. Distribution de colis alimentaires, aide sociale, service de médiation de dette, etc., etc. Eh bien, cette ASBL a été cambriolée 17 fois en 2 ans. Dernier cambriolage, c'était dans la nuit de dimanche à lundi à 4h du matin. Et à chaque fois, eh bien, la SBL se plaint que le vol, c'est un vol de nourriture, un vol de boisson, bref, un vol parfois de marchandises très utile à ceux et celles qui ont besoin d'aide. Sauf qu'au bout de 17 fois en 2 ans, on peut de manière légitime se demander s'il ne serait pas temps de sécuriser un peu, ou temps de se méfier, ou temps de trouver un accord avec la police. 17 fois en 2 ans. Sophie Buzinaro, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. À qui parlera-t-on tout à l'heure? Alors, vous parlerez à Daniel Lambert, directeur de la SBL Opération Fin et Froid. J'ai pu discuter longuement avec lui ce matin. Autant dire qu'après 17 vols, il se sent totalement dévasté. Alors, quelques détails à propos de ce dernier vol. Il s'agit donc du troisième pour cette année. Il a eu lieu, comme vous l'avez dit, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, ceux qu'ils ont volés, donc les cambrioleurs, ont emporté avec eux les clés et les papiers de la camionnette de l'ASBL. Ils ont également volé tout le stock d'alcool qui se trouvait dans la réserve du restaurant social. Suite à cela, la police a conseillé à l'ASBL de cacher la camionnette pour ne pas qu'ils reviennent le lendemain de l'infraction la chercher. Alors, il faut savoir qu'au vu des nombreux vols, il y a déjà un système de caméras mis en place, des grilles aux fenêtres et pourtant rien ne dissuade les cambrioleurs. Cette fois, ils ont cassé les deux nouvelles portes qui venaient d'être installées par l'ASBL suite aux précédentes infractions. Alors selon lui, les solutions deviennent compliquées à trouver. Il en parlera avec vous et il se sent tout simplement sans aucune issue face à cette problématique, Benjamin. Sauf que deux ans d'expérience malheureuse en vol, peut-être que ça a pu permettre de réfléchir à des solutions. On verra. Commentaire pour orienter la conversation via The Standard. Ouais, ce commentaire de Céline Decelle, elle suggère à l'ASBL fin et froid de trouver des fonds pour faire appel à une société de gardiennage. Un gardien qui fait des rondes avec un berger allemand. Rien de mieux pour éloigner les voleurs, nous dit-elle. C'est la question qui dérange. L'ASBL fin et froid de Julie a été cambriolé 17 fois en 2 ans. Il n'y a pas moyen de sécuriser, de se méfier un peu. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez souhaité une conversation sur la nouvelle grève des cheminots. On se dirige vers une nouvelle grève de train de dimanche à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Et tant qu'on y est, autant parler également du deuxième préavis qui a été déposé du 19 au 25 juin. Ça fait deux périodes, celle qui commence dimanche et celle qui commencera le 19. 070-233-466 par SMS au 3063, avec en tête la réunion de la dernière chance entre syndicats et direction tout à l'heure à 14h. Esneux est en ligne. Mireille, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi avez-vous besoin du train ? Ben, j'ai besoin du train parce que j'ai quatre fils qui vont à l'école à Liège. Et alors, à ce moment-là, il y a déjà eu des grèves de train et ils ont absolument besoin du train. Dans la grève surprise de la semaine dernière, comment ils ont été à l'école dans la grève surprise de la semaine dernière ? Ben, on a dû s'arranger, faire du covoiturage. Alors, c'est assez cocasse parce que on refuse... Le nombre de voitures a augmenté énormément à Liège à ce moment-là, et alors que les cheminots faisaient grève. Donc ça, c'est le topo sur la grève émotionnelle. Mais qui travaille gratuitement, alors. Voilà. Topo sur la grève émotionnelle, ok. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir ? Ils peuvent ne pas s'abstenir, mais ils peuvent faire grève du zèle, grève d'une autre façon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Mireille, ne m'en voulez pas, mais on n'est pas sur comment faire grève autrement. Dimanche, il y a grève, c'est juste pas de train. Il n'y a pas d'autre forme. Est-ce que vous les suppliez de s'abstenir ? Il y aura des voitures, il y aura de la pollution à Liège en plus, voilà. Et nos enfants vont être malades. Moi, j'ai des enfants qui sont asthmatiques et bon. Donc ça tient la route, ça ? J'ai beaucoup voyagé et alors il y a une solution, par exemple en Australie, vous allez me dire c'est loin, mais ça marche très bien. C'est une petite navette électrique qui tourne tout dans la ville, tout le temps, tous les quarts d'heure. Mireille, j'apprécie votre effort de créativité, mais si dimanche, il n'y a pas de train, il n'y a juste pas de train et il n'y a pas de voiture électrique. Donc vous leur dites, faites la grève, on subira, ou je vous supplie d'arrêter. Pas faire de tram. C'est ça aussi. Un tram, ça coûte extrêmement cher qu'on a. Alors, mais dimanche, vous ne l'aurez pas le tram non plus, à Liège. Non, mais ça coûte extrêmement cher, le tram. Hein. Ah ben c'est le constat. Malheureusement, on doit faire avec ce cadre-là. Si le préavis est enclenché de dimanche à samedi, rien, il n'y aura rien. Ni forme étonnante, ni avion, ni montgolfière, ni zeppelin. Allons maintenant à Tournai. Geoffrey est en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes cheminot, vous suppliez vos collègues de faire la grève ou de ne pas faire la grève ? Ben disons, non, je ne supplie personne. Maintenant, il ne faut pas supplier, on n'est pas là pour supplier. Ce que je dis simplement, c'est que beaucoup de gens se plaignent. Par contre, on demande toujours aux citoyens, donc le cheminot, c'est un citoyen comme les autres, comme les gens qui se plaignent, pourquoi les gens ne demandent pas plutôt au gouvernement de faire des choses ? Donc, c'est-à-dire, on n'arrête pas de nous en mettre, excusez-moi du terme, mais plein la gueule. On nous enlève de plus en plus de choses, on nous rajoute aussi plus de choses qui sont souvent négatives. Donc c'est ça, je ne comprends pas en fait les gens. Mais regardez le calendrier, il y a trois plages dans le calendrier. Il y a eu la grève surprise déclenchée un mercredi soir qui a duré 9 jours. Puis on remet une couche avec ce préavis de grève qui démarre dimanche. Et puis déjà un autre préavis du 19 au 25 juin. Il y a trois plages dans le calendrier en moins d'un mois et demi. Ah, mais vous savez... Si les gens font grève, en fait, les gens ne veulent pas faire grève parce qu'ils aiment faire la grève. Si on fait la grève, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut y remédier. Je veux dire, faut faire quelque chose. J'entendais la dernière fois sur le même sujet une personne qui disait si on continue à faire grève, on va perdre les gens vont en avoir marre et le droit de grève va être remis en cause. Je veux dire, le droit de grève, c'est pas un amusement, c'est un outil, c'est une arme. Si vous étiez le seul chef, alors vous déclenchez la grève à 14h ou pas? Moi, oui. Vous êtes quelle couleur syndicale? Je suis CGSP. Ah ben, c'est eux qui ont déposé le préavis. La CSC Transcom, elle s'abstient et a de mémoire une réunion mercredi prochain, mais ne soutient pas le mouvement. Geoffrey, on verra à 14h ce que disent les délégués syndicaux et comment tourne cette réunion, mais ça sent mauvais. On va aller au 070-233-466. Et donc Zoé, si on ne supplie pas les cheminots d'arrêter la grève, qu'est-ce qu'on leur demande ou qu'est-ce qu'on propose? Alors cette idée, cette proposition, tout simplement privatiser la SNCB. Cette idée, c'est Bernard de Cour-Saint-Etienne qui nous l'a donnée. Pour mettre fin à cette grève stupide, Bernard n'a que cette solution. Si cette institution publique ne passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle se privatise, eh bien il y aura 2 fois à 4 fois moins de grève, nous dit-il, tout simplement parce que les cheminots tiendront à leur poste et feront attention à ce qu'ils ils comprendront que toutes les personnes qui travaillent dans le privé n'ont pas les privilèges qu'ils ont. Alors supplier les cheminots, jamais Bernard ne le fera pas. Est-ce qu'ils sont des seigneurs? Non, hors de question de leur demander quoi que ce soit, de mettre genoux à terre. Les cheminots sont trop bien mis avec leurs statuts sociaux. Ici, ils paralysent le pays pour un énième jour de congé, alors que la plupart des personnes qui travaillent dans le privé ont seulement 20 jours de congé par an et doivent justement les prendre à cause de ces grèves. Waterloo en ligne, Edouard, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui prenez le train pour aller en France plusieurs fois par mois, est-ce que mentalement, vous pourrez gérer une semaine d'arrêt du chemin de fer? C'est mentalement, à la rigueur, c'est accessoire et c'est question de gestion du stress personnel, mais surtout sur un plan pratique. Pour reprendre l'expression, je dirais pas à supplier le personnel de la SNCB à ne pas faire grève. Simplement, j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience de la part de ces travailleurs qui sont... On est tous des travailleurs. Et donc, partant de ce principe-là, eux qui ont des régimes spéciaux en termes de congés, de mutuelles, de pensions, il ferait bien de penser à ceux qui, finalement, ne comptent pas leurs heures, qui sont astreints à une contrainte économique, à une pression permanente, et qui, forcément, ne prennent pas en otage, le reste de la population. Je change les mots pour vous, alors. Est-ce que vous donnez l'ordre aux cheminots d'être au travail dès dimanche? Je les intime de ne plus prendre la population en otage. Je leur demande vivement de penser à ceux qui sont tributaires des transports. Il y a d'autres moyens d'exprimer ces revendications. Mais Geoffrey, le cheminot vous a dit alors donner l'ordre au gouvernement de lâcher prise sur les jours de récup. Mais je demanderais, effectivement, on peut demander au gouvernement, on peut faire pression sur le gouvernement, mais aussi qu'ils prennent conscience que ce sont des privilégiés. Rien qu'ils revendiquent, ils font grève pour quelques jours de congés en moins. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y en a qui n'ont même pas la moitié de ces congés? Ah, on demande aux cheminots de sacrifier 2,33 jours de congés par personne. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, toutes choses restant égales par ailleurs. 2,3 jours de congés, effectivement. Mais quand il y a des indépendants, en fait, qui ont à peine 10 à 12 jours de congés par an et des horaires qui dépassent largement les 8 heures par jour... finalement, pour un niveau de revenu qui est très souvent plus inférieur à ce cheminot, voilà, il faut être là, il faut relativiser les choses. Ah ben, je vous laisse à la route, mais vous donnez l'ordre aux cheminots de ne pas faire grève. Réponse tout à l'heure. On marque une pause, et puis la SBL Fin et Froid de Gilly cambriolé 17 fois en 2 ans. Question qui dérange. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condro à Boncel, à Nocé-FM, sur la route de Huy-Warem ou JC, chaussée de Tongres à Raucourt. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h, Servivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. France-Roumanie à suivre en direct ce vendredi soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. À découvrir aux établissements Constant la toute nouvelle Fiat 124 Spider. Véritable icône de la Dolce Vita. La Fiat 124 Spider renaît 50 ans après. Venez admirer ses lignes élégantes et succomber à son charme lors de nos portes ouvertes des 11 et 12 juin. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Votre enfant découvre la lecture ? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud-Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud-Presse. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Chateaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4€ de réduction sur le kilo de Chateaubriand. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Phare anti-brouillard avant ? Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale FortSync ? Oui. Climatisation ? Oui. Que demander de plus ? Le prix ? Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Agili, laisse belle faim et froid et de ceux qui en ont besoin. 17 fois cambriolé en 2 ans. 17 fois, il n'y a pas moyen de sécuriser. On interpelle cette ASBL dans une seconde. Dernier commentaire, Zoé. Ce commentaire de Monique de Remicourt. 17 cambriolages en 2 ans, c'est énorme. Elle ne comprend pas comment c'est possible. Elle leur remet en cause la bonne gestion de cette ASBL. Un autre fait l'interpelle. S'il y a des caméras, comment est-il possible que les voleurs n'ont pas été identifiés? Alors Benjamin, elle vous demande de poser cette question à Daniel Lambert. Est-ce qu'il ne protégerait pas par hasard ces voleurs? La direction de l'ASBL fin et froid. Daniel Lambert, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, peut-être une ligne du temps. Le premier vol, il a lieu quand? Pas le 17e. Le premier, il a eu lieu quand? Le premier a eu lieu donc au mois de novembre 2014. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on vole et est-ce qu'on a à chaque fois volé la même chose? Oui, je vais dire que ce qu'on vole, c'est simplement de l'alimentaire, donc dans les réserves et dans les stocks. Évidemment, comme nous sommes une ASBL, la sécurisation est quelque chose qui coûte cher, donc on essaie de faire avec les moyens du bord, je vais dire. Alors, donc, voyons avec vos moyens quand vous vous êtes équipé. Donc, premier vol, novembre 2014. Oui. À quel moment vous avez mis en place un dispositif de sécurité et lequel? Donc, là, nous avons mis un dispositif en 2015, tout un réseau de caméras qui était censé protéger, en tout cas, les intrusions. Mais ces caméras, voilà. Elles sont reliées à une centrale où quelqu'un regarde l'écran ou ces caméras, elles se contentent d'enregistrer les vols? Voilà, cette caméra se contente d'enregistrer les vols, évidemment. Parce que, comme je vous dis, donc, les budgets sont très serrés, donc nous ne pouvons pas prendre un système d'intervention avec. Donc voilà. Mais avec les images, on a identifié les voleurs. Vous avez une image de ces voleurs. Voilà. Donc il y a eu des identifications qui ont été faites et des arrestations qui ont été faites aussi pour les vols précédents. Donc c'est chaque fois des autres voleurs qui viennent. C'est pas toujours les mêmes. Non, c'est pas toujours les mêmes. Ici dernièrement, donc on a dû remettre un système d'alarme. Qui est agréé par la région Wallonne et par l'État, avec un système de vigilance, donc intervention de personnes sur place dans les 8 minutes. Alors, dans le 17e vol, donc celui qui a eu lieu ce week-end, on vous a volé un stock d'alcool. Ce stock d'alcool, il était dans une pièce non sécurisée ? Non, sécurisée avec caméra, etc. Non. Évidemment, la personne est cagoulée, donc voilà. Donc, on ne voit pas grand-chose, on ne sait pas très bien déterminer. Mais la police, je pense, doit bien avancer parce qu'il y a eu des traces bien précises qui ont été relevées sur place. On vous a volé les papiers de la camionnette de la SBL et les clés du véhicule. Où est la camionnette? Elle a été volée aussi? Non, la camionnette, nous l'avons sécurisée sous ordre de la police. Donc, on l'a emmenée directement dans un parking sécurisé qui nous a été Conseillé ou mis à disposition. Conseillé, voilà, excusez-moi, oui, voilà, qui nous a été conseillé par la police. Alors donc, j'en viens, voilà. Daniel Lambert, à la question qui dérange. Elle est un peu étrange, puisque vous êtes une SBL d'aide, d'aide de ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas moyen de sécuriser. Vous nous avez dit de la sécurisation. Oui. L'autre question qui dérange, il n'y a pas moyen de se méfier un peu. Vous n'êtes pas sur vos gardes, 17 vols. Si, on est sur nos gardes, mais le fait que nous soyons aussi une ASBL qui remette les personnes socialement et socio-professionnellement en route, je vais dire, dans la marge de la société, fait que nous avons une circulation de personnes. Là, malheureusement, on ne peut pas trier. Donc c'est insécurisable. Votre truc, c'est insécurisable. Ben, insécurisable dans le sens du nombre de personnes qui passent. Oui, évidemment. Maintenant, insécurisable, je pense que c'est un petit peu pour tout. Hein, on vous en veut de... On en veut à l'ASBL fin et froid. On vous en veut. Mais disons que le site est propice, justement, parce que sur les autres sites, on n'a pas tellement de dégâts, mais le site qui est situé sur le Ravel, ici, est bien isolé. Donc, forcément, le site est propice aux intrusions, puisque... Ah, c'est l'élément alors qui nous manquait pour comprendre la récurrence de ces vols, une localisation géographique. Merci Daniel Lambert, directeur de l'ASBL Opération Fin et Froid. On va vers les enseignements dans une seconde. Grande braderie chez O'Green, de jeudi à dimanche, toute la journée. Profitez de moins 20 à moins 50% sur tous les articles en stock. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions en magasin. Jardinerie O'Green à Saint-Georges, autoroute 42, sortie 5. Ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. O-green.eu. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Au cœur de Liège, la joaillerie Lizin. Vaste choix de bijoux en diamants, pierres précieuses et perles de culture. Conseils personnalisés, créations sur mesure. Joaillerie Lizin, rue Charles Magnette à Liège. Ambassadrice de la marque Chopard. Aussi sur Facebook et localisi.com. Le commerce autrement. localisi.com. localisi.com. Bonjour, c'est Thomas Malone. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Grande braderie chez O'Green de jeudi à dimanche toute la journée. Et des promos exceptionnelles sur le mobilier de jardin. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Les noix de coco qui tombent? Aïe! Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Rendez-vous vite dans un magasin Xina et recevez un plan de travail en granit au prix d'un stratifié. Conditions sur... Xina. .be, c'est bien pensé. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Bon, des enseignements et on commence par le débrief question qui dérange. L'ASBL fin et froid cambriolé 17 fois en 2 ans. Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Vous êtes 36 868 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et ce commentaire de Christian, pour lui, ses vols à répétition dans l'ASBL fin et froid, c'est une preuve que la population la plus faible est à genoux. Il explique qu'à Namur, l'ASBL, la main tendue, a aussi été victime de vols. Les voleurs savaient qu'ils trouveraient à manger dans cette ASBL. Et Grégory est aussi d'accord pour dire que les personnes qui volent ce type d'ASBL le font parce qu'elles ont faim. Vous avez souhaité une conversation sur la grève des trains vers laquelle on se dirige à partir de dimanche et jusqu'à samedi. Est-ce que vous suppliez les cheminots de s'abstenir? Dans les enseignements, ce constat, les deux qui ont supplié les cheminots étaient à chaque fois parents, ce papa Philippe de Sombref ou encore cette maman Nathalie Gramont qui suppliait les cheminots pour leurs enfants. Les autres n'ont pas supplié. Ils ont supplié peut-être les cheminots de trouver une autre forme à la grève. Sauf que ça, ce n'est pas sur le tapis ce week-end. Et puis, il y a un cheminot qui a supplié ses collègues de faire grève. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au Standard, Zoé. Et c'était Maurice de Mons. Il a été indépendant toute sa vie, plus de 43 ans de travail. Et dans ses amis cheminots, il n'en connaît pas un seul qui ait travaillé autant que lui. Ça le fait bien rire quand il les voit manifester. Eux qui ont des super mutuelles, pensions et prépensions. Alors non, il ne va pas les supplier ce matin, Benjamin, parce qu'il a honte pour eux. Quand on a autant d'avantages sociaux, on ne fait pas grève alors que les trois quarts du pays crèvent de faim. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur les cheminots qui se tâtent. Dans quelques heures, ils diront oui ou non parmi les moments de ce matin. Il y a eu Eric de Benezet à 10h11. Eric en a eu pour plus de 300 euros de frais. Alors s'il croise un cheminot, attention à lui. Ça m'engendrait plus de 300 euros de frais quand je suis arrivé à Lille, que je ne savais pas rentrer en Belgique. On est resté calé une nuit, donc j'ai dû prendre une chambre d'hôtel. Et le lendemain, j'ai dû prendre l'Eurostar. Quand je suis arrivé à Bruxelles midi avec l'Eurostar, après 4 heures qu'on a fait les poros, on a dû opter pour Uber. Mais le jour où je croise un cheminot, c'est lui qui me suppliera d'arrêter de le cogner. C'est pas à moi de supplier. C'est au gouvernement à prendre ses responsabilités et à faire le nécessaire. En France, il y a grève de la SNCF, il y a quand même des trains. Quand on prend le train, on se rend compte que plein de gens, les abonnements sont déjà payés par les entreprises ou par nous-mêmes. Mais alors moi, je leur propose d'arrêter maintenant et de faire la grève pendant les grandes vacances. Et là, quand il y aura des touristes qui prendront le train, eh bien, ils n'auront rien. Et là, ce seront des tickets qu'ils n'arriveront pas à vendre le jour même. Ces gens-là, ils veulent la guerre. Dans ce cas-là, en fait, il ne faut plus discuter avec eux. Il faut absolument leur couper l'herbe sous le pied. De toute façon, ce sont des gens qui ont déjà plongé l'économie belge dans un marasme pas possible. En fait, moi, ce que je propose, c'est d'abord et avant tout passer par la libéralisation des chemins de fer, des transports de personnes en Belgique. Là, on est nettement dans une partie de bras de fer avec le gouvernement, avec le seul but de le faire tomber. Ce sont des travailleurs qui ne se battent pas parce qu'ils ont des conditions de travail abominables. Ce qu'ils veulent, c'est sauver des acquis qui font une différence par rapport au commun des mortels. Tout le monde a deux ou trois voitures maintenant chez eux. Ils ont tout le temps d'aller. C'est vrai qu'il faut faire des sacrifices, il faut se lever un peu plus tôt. Et maintenant, tout le monde se met avec eux. Dans les années 30, les gens se sont arrangés pour faire grève. Tous les acquis qu'on a eus, c'est grâce à eux. Et maintenant, on veut tout nous reprendre. Et le gouvernement, comme c'est un gouvernement dictatorial. Une semaine complexe que vous allez pouvoir continuer sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Si vous voulez revoir quelques-unes des conversations, c'est sur www.laune.be. Vous avez l'intégralité de nos moments de dialogue et de partage. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Passez un excellent week-end d'Euro. Vive